Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. OK, fait que là, Jean-Philippe Charbonneau, aujourd'hui, ce matin, c'est spécial, OK? Parce que tu te rappelles, je sais pas si, si t'avais écouté ou si t'avais entendu, mais Canal E est devenu filmer un documentaire sur nous qui s'appelait Un malaise si proche, tu sais. Ah, oh, OK. C'était tous les moments bizarres depuis les 500 dernières émissions. T'sais, la 500e, c'était très récemment. Donc là, le Canal E est revenu. Ils m'ont demandé, tu sais, vu que là, c'est le, faut battre le fer pendant qu'il est chaud, etc. Là, ben oui, ben oui. De la cuillère, etc. Donc, ils se sont dit, on va filmer un documentaire sur comment Assemblage requis est fait dans la vie. Tu sais, comment on fait la saucisse d'Assemblage requis, si on veut, okay. Dans l'usine en tant que telle. Oui, oui. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va vous enregistrer tout le long de votre émission, tout le long, là, tu sais, sans arrêt, même pendant les musiques, tu sais. Ah, ben comme hier, finalement. Comme hier, c'est ça. Ah ben ouais, on parlait de sa musique hier. Ouais. C'est un peu le même genre. Donc c'est ça, c'est le Canal E qui présente ça. Puis on va faire juste l'émission comme d'habitude, mais ça va être un petit peu plus comme genre documentaire derrière le malaise, je pense qu'il voulait appeler ça, derrière le malaise ou behind the malaises. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent. Je pense que ça devrait comme ça. Ouais. Sont bien américains des fois. Donc je pense que l'émission devrait commencer à peu près là. Donc moi je dirais Q, attention, 3, 2, 1. Annonceuse heureux. Le service aux c'est étudiants fait. De l'UQTR vous présente Assemblage requis. Q, chanson thème. Bon, ben, c'est le fond en 3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 31 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et aujourd'hui, à l'émission, on va avoir un bon plan pour vous. On a des gens qui vont se présenter un à un et on va être nombreux encore en studio aujourd'hui, mais ça va être absolument fantastique. Ah, ben, comme d'habitude. Évidemment. On aura Maxime Bilodeau qui va se poser des questions fondamentales dans sa chronique d'une foulée à l'autre et je te gage que tu veux savoir, hein, de plus en détail. Un petit peu plus. Donc, on s'arrête un court instant et on se pose des questions fondamentales. Vous savez, le genre de questions qu'on se pose parfois, mais qui, dans le rythme trépidant de nos vies vécues à 100 000 à l'heure, ne trouvent jamais de réponse. Donc, concrètement, on va s'interroger à savoir si se faire craquer les articulations est une bonne ou une mauvaise chose. Pourquoi certaines personnes sont démesurément flexibles, comme moi. Hein? Mm-hmm. Et finalement, en quoi le surpoids, encore moi, n'est peut-être pas aussi nocif qu'on veuille bien nous le faire croire. Tout ça est peut-être plus, on ne sait jamais, c'est 7h30 d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. Voilà. Ça va être bon. Oui. Ensuite de ça, à 8h, on a Jasmine Raymond-Réville. Tu la connais de la GEQTA? Oui, on la salue. On la salue. Hi! Hello! Elle va nous parler des activités, des actualités de la GE. Et puis finalement, à 8h30, on aura François Landry, politique, Logocratie 101. Moi, la politique, ça me dépasse tout le temps. C'est lui qui me rattrape au galop. Oui, ben, j'allais le dire, mais... Je vole des blagues. Ben oui! Colin, en cette grande journée du 31 janvier, le dernier jour de notre mois, janvier pique. Hashtag janvier pique. Oui. Oui, oui, tout le monde capote. Ça va-tu finir, ce mois-là? Ben ça, oui. C'est ça que ça demande, ça va-tu finir? On va aussi se laisser aller un peu avec la chronique Kinky Sexy Time en tout début d'émission tantôt. Oui! Oh, j'ai hâte à ça. Je sens bien, là. Mais on va débuter notre émission d'aujourd'hui avec la musique de Mauve. Oui. Tu te rappelles de Mauve, il était venu à l'UQTR à un moment donné, je sais pas. Ouais, ça me dit quelque chose vaguement. C'est une soirée cachée, je pense. Cachée, c'est fou. Mais oui. Puis tout le monde, finalement, les gens ont fini par la trouver. Bah, il y a eu des indices. Il y a eu des indices. Ben, c'est le but, hein. Ah oui, très bon spectacle que Mauve a fait. Ouais. À la chapelle. C'était coloré. Oui. À la défunte chapelle de l'UQTR. Oui, feu chapelle. Ouais. Donc, on écoute leur pièce Annie Hall tout de suite à Assemblage requis. C'est ça. On laisse les micros ouverts tout le long. Je sais que c'est vraiment poche pour les chansons. On va les refaire jouer une autre fois à un moment donné. Ça va être vraiment plate sinon. Mais c'est ça. Non, toute la journée hier, hein? Pas pire. Ouais. Une grosse journée de carnaval. Puis... Je pense que t'as passé la nuit debout. Oui, j'ai pas dormi. J'ai dormi une heure. OK. Entre quelle heure et quelle heure? Ben là, je me suis couché vers les 4h30. J'ai menti 2 heures. Un petit 2 heures. Okay. Donc, t'es en train de me dire que ce que t'aimerais faire pendant les chansons serait de dormir à la place d'essayer de remplir. Hein. C'est vraiment un mauvais addon. Mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Avoir su, je t'aurais peut-être consulté avant, mais j'avoue ça. Non, c'est la course au trésor, je pense. Non, c'était le rallye nocturne cette nuit. D'ailleurs, on salue sur les retardataires. Si vous nous écoutez dans votre auto, c'était à 7h, hein? Il fallait revenir. J'ai vu que le 10-12 est encore plein à cette heure-ci. Oui, non, c'est ça. C'est les gens qui sont en train, j'imagine, de ramener leur matériel qu'il fallait qu'ils trouvent. Donc, si vous êtes déjà au retour de la maison, salut. Salut. Bonne nuit. Ben, j'espère qu'il y a... Fais-le pour moi. Il y a encore des cours. Il y a des cours le matin quand même. Oui. Fait que je sais pas comment ça pour survivre à ça. Ben, ouais. Je sais pas. Ouais, moi, je vais commencer à vérifier pour King Sexy Time. On va parler d'un kangourou, fait que. Hey, tu sais, tantôt, j'ai dit Feu Chapelle. Je pense que je me suis trompé. Non, la chapelle existe encore. Elle est rendue. Faut que tu passes tout le petit tunnel qui mène vers le Pierre Boucher, entre autres. Ouais. Puis là, qu'il n'était pas trop peur jusqu'à l'époque. C'est ça. Puis que tu trouves la place. Ouais. C'est pas super bien identifié pour la pastorale, je penserais pas. Mais non. Ils sont accueillants quand même. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre avec Stéphanie Paradis. Tout à fait. On a écrit un article dans le journal. Ben, on a écrit. Quelqu'un d'autre que moi a écrit, mais j'étais présent. Voilà. Puis non, c'est sympathique. Bande de gens. Ça. Ouais. Ouais. Fait que je pense que j'ai mon thème de Kinky Sexy Time. Ouais. Après ça, t'as envie de. On joue quoi, hein? Après ça, il fallait qu'on ait. Ouais, on a à peu près une minute et demie avant la prochaine chanson. Oh. Fait que, comme tu veux. On peut varier. C'était-tu Atomic Barbet que t'avais là? Ouais. Je te dirais bien de mettre des groupes que ça te dérange pas qu'on parle dessus. Ah, ben attends, on va mettre quelque chose. Non, non, mais ça. Instrumental. On les aime tous. Non, non, c'est ça. Fais donc jouer les trois tours qu'on a entendus hier. Thème Carnaval. Ça serait parfait. Ah oui, c'était bon. Hey, on fait des pins. Contre David Ferron, même quand il est pas là et oui. Quand on n'est pas en onde. Oui, c'est fou. Quand on sait pas, on n'est pas en onde. Non, c'est ça, on n'est pas aussi. Ah, mais d'ici pas. Hein. Si je fais canal E, qui va pouvoir diffuser ça plus tard, je sais pas quand. Un jour dans cette. Un jour. Dans cette R. R. Bon. C'est un peu raté. Ouais, celle-là, fais-la pas en onde. Non, je la ferai pas en onde. Fais-la pas en onde. Non, tu me passes Atomic Barba, bien sûr. Oui. On se fait l'exercice en même temps. Je sais pas, moi je dis que des tu sais, notre public est un public futé, c'est un public intelligent. Oui. On s'entend, on est dans une université, donc les gens vont apprécier ce qu'on fait. Ce qu'on fait, comme ouais. Toujours, comme toujours. Donc, ouais, on va entendre, je pense, l'atterrissage. Ouais, ça va futer. Sur l'album Le Vieux Master. Finalement, ouais. T'as-tu déjeuné, toi, ce matin? Non, du tout. Non, mais j'ai amené mon déjeuner dans ma boîte à lunch, je pense. OK. Je me dis, qu'est-ce que t'as pris? Ben, d'habitude, je le mets dans ma boîte à lunch, puis je ne mange pas. C'est une petite barre, genre avoine et. C'est bon, je pensais qu'il fallait qu'on parle, qu'on retourne en onde. J'étais pas prêt. Non, pas encore. Non, okay. Non, je suis pas prêt. On pourrait peut-être. Une petite barre. OK, on peut retourner. OK, ouais, non, t'as raison. Cinq secondes. OK, ouais, 5 secondes, c'est une bonne idée. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il est 7h09. On va faire King Sexy Time. D'accord. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ça fait peut-être, je dirais, une bonne semaine. Il me semble que peut-être même plus que ça. D'histoire d'homme depuis que je suis ici. D'histoire d'homme. L'homme qui a vu l'homme qui a vu Kinky Sexy Time. Oh. Non, c'est pas celle-là. Hey, quand même, hey. Une chance que je t'ai préparée. Non, c'est celle-là ici. Ouh. Ah, voilà. Kinky Sexy Time. Donc, on va faire une petite galerie de faits divers qui sont un petit peu plus osés que d'habitude. Donc, évidemment, c'est pour un public averti, mais je pense que le public de l'émission d'aujourd'hui est tout à fait averti. On les avertit. Ben oui. À l'avance. Pas de problème. La nicotine est un nervous depressant. Donc, dans le fond, c'est comme un genre de dépresseur nerveux, si on veut. Ce qui peut mener à des problèmes d'érection et de lubrification. Si tu fumes trop, ça assèche la faune et la flore. Oui. Si on veut. OK, il y a un kangaroo corset qu'on appelle, donc un corset kangourou, qui est un corset en forme de S qui accentue la poitrine et les fesses de la personne qui le porte. C'est un corset kangourou, ça te fait un genre de... Oh. Les nouvelles technologies pour la manchette. De courbe. Est-ce que tu essayais de montrer tes... La manchette? OK, oui. La fameuse manchette. Dans plusieurs cultures, très, très vieilles, de très vieilles cultures, les femmes se couchaient sous la pluie. Un peu comme aujourd'hui, il pleut en ce moment, donc ils se couchaient sous la pluie pour tomber enceinte. Ils croyaient que la pluie était un genre de sperme divin. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Non, ça tente pas de l'essayer. C'est très naïf. Oui, c'est naïf. Ah, c'est vrai, c'est une belle époque. Oui. Naïve. Il n'y avait même pas la télé couleur. Et non. Il n'y a pas grand-chose. 48% des Anglais, des hommes anglais, vont s'endormir pendant les relations sexuelles. La moitié presque des Anglais s'endorment. Pendant, pas après, là. Pendant. Pendant. Ils sont si pires que ça. Apparemment. Ils sont plates, vraiment. Miami bat la plupart des autres villes majeures pour la plus longue durée de la plus longue session de relations sexuelles à 35 minutes. Donc, en moyenne, les relations sexuelles sont plus longues. Avec ou sans générique? Ah. Oh, une blague de porn le matin. 1,1 million d'hommes et 800 000 femmes entre 25 et 40 ans n'ont jamais eu de relations sexuelles aux États-Unis. Tu sais, c'est beaucoup trop, là. C'est quand même énorme. Ça, en tout cas, c'est sûrement un petit pourcentage, mais ça m'a l'air énorme. Oui. Plus de femmes parlent dirty pendant les relations que les hommes. OK? Moi, je pensais vraiment que les hommes, tu sais, que les femmes demandaient aux hommes, mais parle-moi dirty. Dirty. Mais non, les femmes sont cochonnes, elles aussi. 40% des femmes disent qu'elles auraient des relations avec le président américain si il lui demandait. Oh. Barack Obama. Ben, c'est quand même un beau bonhomme. Oui, très bel homme, très bel homme. Et il a bien trouvé une belle femme aussi. Et effectivement. La flatulophilie, c'est le fétiche... Du paix. Du paix! Oh. Oui! Flatulence! Oh, wesh! Pas faire en studio, s'il vous plaît. Non, et nulle part, en fait. T'sais. Non. T'sais, à la maison, c'est parfait, on vous respecte, on vous juge pas. Mais nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Genre la flatulophilie. 6% des gens demandent en mariage au téléphone. 6%! Oh! Tu veux qu'on se marie? Non, mais sérieusement, là, ou comme, tu peux faire ça en joke? Ben, non, ben, je sais pas, mais peut-être que si tu le fais en blague, la femme va quand même l'accepter. Ouais, dire oui, puis là, t'es mal pris. Puis là, c'est pas une bonne idée. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ensuite de ça, toujours dans Kinky Sexy Time, il y a un water park, un parc thématique, tu sais, d'eau, là, en Allemagne, qui a banni les femmes. Dans le fond, ils ont plus le droit, les femmes, d'utiliser la glissade d'eau extreme parce que ça a causé des blessures génitales à 6 femmes. Tu sais, tu t'en vas t'amuser dans un parc d'eau, là, ouais, à l'attraction, et tu te fais mal même. Oui. Mais là, ça, c'est parfait. Si tu fumes, là, ça peut te réhydrater, le... Mais oui. Oh, des liens, ce matin. Oh, c'est écœurant. pendant les premières cérémonies de mariage dans le bon vieux temps, là, le mari et la femme faisaient l'amour pour la première fois devant le village en entier. C'était comme ça qu'on célébrait. Embrasser la femme. Vous pouvez maintenant embrasser... Oui, c'est ça. Vous pouvez maintenant rentrer Zouzoui dans... le Zouiki. Vous pouvez maintenant copuler. Là, avec votre Zouiki, votre Zouiki. Les relations qui se forment au printemps et l'été ont plus de chances de durer que les relations qui se forment à l'automne ou à l'hiver. C'est triste. Ouais. C'est selon qui? Selon une étude, sûrement. Oui. Donc vous avez encore le temps de canceller. C'est ça. On annule le projet. Ouais. Les couples ont deux fois plus de chances de rompre donc pendant les vacances des fêtes et la Saint-Valentin qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Donc, entre l'action de grâce américaine, j'imagine, et la Saint-Valentin, c'est là que... Ah, c'est le... C'est le... Ouais. La porte de sortie. Le... Spring Break-up. Il y a même un film qui s'appelle la même? Sûrement. Je pense que oui. Donc, les relations sexuelles, on estime que ça arrive 2000 fois à chaque 5 secondes partout dans le monde. Combien? 2000 fois. 1, 2, 3, 4, 2000 fois. Oh! T'sais? Ben, il aurait pu dire aussi... ouais, non, c'est pas pire. 2000 fois... C'est pas pire. Partout dans le monde, là. Ouais. Ça a du sens. 90% de toutes les relations qu'on appelle friends with benefits, donc tu sais, des amis-lits que j'appelle, ne fonctionnent jamais. Mais dans le fond, ne fonctionnent pas 90%, 9 sur 10, et se terminent mal. C'était à vous de ne pas vous embarquer là-dedans. Ouais. Les condoms non lubrifiés. On vient encore à notre nom. Oui, hein, c'est très drôle de thématique. Mm-hmm. Les condoms non lubrifiés sont distribués parmi l'armée. Et non seulement pour les relations sexuelles, mais aussi comme genre de gourde d'urgence. Ah. Tu remplis ça d'eau. Parce que tu sais, c'est très, très élastique, ça peut prendre de l'expansion. T'as-tu déjà vu une vidéo du gars qui se la met sur la tête? Non. Ah, bon, ben on va trouver ça tantôt. Environ deux condoms de latex sur 100 vont briser, rompre, couler. 2 sur 100. C'est 2%, ça? Oui. Environ. Mais là-dedans, il y a 1% des gens qui l'avaient mis à l'envers. Mais c'est vraiment... À l'envers. En tout cas. Ouais, ça c'était douteux. La panique que tu ressens quand tu perds ton téléphone cellulaire amène la même réaction dans le cerveau qu'un orgasme. Ah. Perdre son téléphone cellulaire, ça t'excite, mais négativement, mais c'est la même zone dans le cerveau. C'est arrivé hier, c'est ça, je me demandais le feeling. Ouais. T'avais bu. Hein? Non. Non, même pas. L'entregent féminin, OK? Oui. Et l'œil sont deux organes qui se nettoient tout seul. Oh. L'entregent. Oui. Je suis pas certain de celle-là. Non, c'est pas. Je me suis pourtant très bien expliqué. 9 milliards de condoms sont utilisés à chaque année autour du monde. 9 milliards de condoms. Oui, 9 milliards. À chaque 5 secondes, 2000 relations. Pas toutes des condoms, mais non. Faites le calcul. 2% qui 2 sur 100 qui pètent? Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait tellement de chiffres. J'ai peur. Croyez-le ou non, à chaque jour, 100 millions de couples à travers le monde ont des relations sexuelles, ce qui veut dire qu'environ 65 000 couples sont en train d'avoir des relations là. Live, là? Live! On les salue. Est-ce qu'on les laisse en ondes? Ah oui. Pendant les pièces de... Okay. Est-ce que ça s'est déjà fait? Ou sûrement? En ondes? Bonne question, faudrait voir. Ça aurait été épique pas mal. Oui. Comme dernier jour du janvier épique, une relation sexuelle en ondes. On a le temps encore, reste à 1h45. Ouais, bon ben go! Ben, pas de filles dans le studio. Go! Tout de suite! Ouais, moi, on lance les recherches, mais... Est-ce que t'es fumeur? Oui, t'es pas lié. 95% des femmes rasent leur partie privée. 95%, c'est comme 9,5 sur 10. Hein? Ouais. Et seulement 16% des hommes le font. Pour leur entre-jeune. Entre-jeune. Les orgasmes sont 10 fois plus efficaces que les médicaments pour soulager une migraine. Ah, bon, donc ça, c'est une méchante bonne affaire. Une autre raison de plus de le faire tout de suite. Oui. Le sexe va renforcer l'imagination, va rendre plus forte votre imagination et va augmenter votre habileté de comprendre des nouvelles informations. Donc, ton cerveau va être plus vif. Peut-être va être plus capable de traduire des faits en anglais vers le français plus rapidement. Oh. Tu vois que c'est... Comme ça, you can speak the English. Speaking the... Ouais. Les alcooliques ont plus de chances d'avoir des relations sexuelles lors de leur premier rendez-vous. Ouais, mais ils s'en souviendront peut-être pas. Ah, voilà. Bon, dans le fond d'une ruelle, ça. Okay. Celui-là, peut-être que tu le savais, peut-être que tu le savais pas. Et là, je l'apprends au grand public parce que c'est notre mission éducative à l'émission. Mais le sperme va mieux se laver avec de l'eau froide que de l'eau chaude parce que l'eau chaude fait que les protéines à l'intérieur du sperme vont se dénaturer. Denature, je sais pas ce que c'est en français, et va le rendre plus collant. Donc, si tu veux vraiment éliminer ça, c'est l'eau froide. De l'eau froide, c'est plate, mais ça va te faire redescendre dans le cou. Une femme sur 50 ont une tétine en trop. Un mamelon. Une femme sur 50, c'est presque 2% des gens. Ouais. Okay. C'est pas mal ça. Hein? En Allemagne, il y a des restaurants qui sont nude-friendly, où tu peux y aller nu. Avec d'autres nudistes et manger. Sans problème. C'était ça, c'est patate. Ah oui. C'est peut-être trop de pas d'assiette. Ils savent quoi, hein, exactement, là? Ah, bonne question. Des vols au vent, ça. C'est sûrement. Les femmes qui sont stressées lorsqu'elles sont enceintes ont tendance à donner naissance à des enfants qui ont plus de chances d'avoir la fuse un petit peu plus courte, là, tu sais, d'être à sec, tu sais, genre, tu sais, qui partent, qui ont les émotions à fleur de peau, là, tu sais, mm-hmm. Tu leur dis un petit quelque chose, puis ils pètent les plombs. Bam! Bam! Paf! Ça, c'est dû au stress de la maman. Des fois, stress de la maman, lorsqu'elle est enceinte. Oui, ça, oui, voilà. Disons-le. C'est moins kinky, mais ça reste... Parle de femme, c'est que c'est pareil, ça. Hein? Voilà pour Kinky Sexy Time. Merveilleux. On en a appris beaucoup. Un peu. Ouais, un peu. Dans quelques minutes, Maxime Bilodeau s'en vient avec sa chronique d'une foulée à l'autre. On va parler encore une fois de questions fondamentales. Moi, je m'ai fait tout le temps craquer les jointures. Je veux savoir si c'est bon. C'est vraiment drôle que tu parles de ça, puisque cette semaine, justement, je me demandais ça. On a eu le débat avec des amis. Je vais juste plugger que j'ai des amis. OK, cool. C'est social, ça que ça veut dire? Oui, c'est ça. Bon, ben, parfait, ça. On écoute Atomy Baobab. Cool. Voici le Viewmaster dans cette édition d'Assemblage Requis. Ah, ça va être bon, ça. Ouais. Une chance que le canal A est là, parce que sinon, je me forcerais pas autant. Là, oui. C'est ça. Hey, je m'excuse pour tantôt, j'ai fait deux jokes boboches un peu. Non, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais, des jokes boboches, c'est ça qui est le fun. T'sais, avec l'émission de radio comme ça, t'sais, comme là, ça tombe bien, Canal D soit là pour nous filmer en train de parler par-dessus toutes les chansons. Oui. On va enregistrer 100% de l'émission d'aujourd'hui parce que ça vaut la peine de garder des fois ces anthologies-là. Il se passe tellement de choses en rond. Mais l'idée à la radio, c'est de jamais sortir, parce que si tu te retiens, t'as pas de plaisir. Ouais, c'est ça, mais il faut pas revenir à ta statistique de paix, là, puis. La flatulophilie. Oui, est-ce que tu connais des gens qui ont des drôles de folie sans les nommer même? C'est moi, en tout cas. Salut, Roger. Salut, Roger. On dira pas ce que t'as comme Philly de bord. Ouais, de toute façon, on n'est pas en onde, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Si on était en onde, on s'en tiendrait. Ouais. Ouais. Je sais pas. Hmm. C'est du pet. Qu'est-ce que... Non, tes propres pets, mettons, tu peux peut-être triper sur tes propres pets. Puis même là, tu te faire des choses à toi-même. Ça serait bizarre, ça. Je sais pas. Ouais. Tu pets, puis tu te... Ouais, imagine, t'as tes bons amis, tu prenez une bière, puis tu racontes ça. Tu fais, ouais, t'sais, moi, j'aime ça, les pets. Ah! Oh! Tu peux plus le regarder de la même façon. C'est que c'est tellement... Imagine trouver quelqu'un... Ah ouais? Qui veut te faire ça. Non. Ah, yeah. On pourrait demander un autre tantôt... Lancer l'appel à tous. 819-376-583. C'est ce qu'on dira. C'est ça? Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Non, j'essaie de regarder dans mon souvenir proche, ça. Dans mon entourage proche. On en parlait un petit peu hier avec Annabelle Maton dans sa chronique Je t'aime moi non plus. Oui. T'sais, on parlait de trucs bizarres. Hein? Trucs bizarres. Elle a sauté une coupe, puis j'espère qu'on va pouvoir revenir ça sur reprend, le sujet. Hein? C'est ça. J'ai vraiment aimé ça. C'était très intriguant. Ouais, j'ai été en forme après l'émission d'hier. Ben, on a tellement ri avec David Ferron. Oui. Ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai fait un petit montage de David Ferron. Au Babar Assifo, on a un petit segment qui s'appelle Un instant classique où on passe les meilleurs moments d'assemblage de qui. Bon. Une fois de temps en temps, quand ça vaut la peine, on fait un Ferron classique. Oh. Puis j'en ai fait un pour ça. Oui, c'est vraiment très, très, très drôle. Tu le diras tantôt en onde, ça va être demain, ça? Ça va être, c'est plus tard aujourd'hui à 15h. À 15h. Ça repasse demain soir à 17h. Parce que, ouais, je vais leur dire en onde, je ne veux pas, pas que les gens... Là, sinon, il y a juste moi qui vais le savoir. Mais c'est ça, toi et Canal E, oui, Canal qui E enregistrent le documentaire de nous en train de parler. Ça, ça va passer quand? Et? Je sais pas. Ben, tu sais, ils ont une web télé peut-être sur Internet, je sais pas. Okay. Tu sais, parce qu'à la télé, ils sont rendus tellement télé-réalité américaine que je sais pas, des fois... Ben, je me demandais aussi, tu l'écris comment E? Ah, c'est le canal E? C'est le canal E, je sais pas, je pense que c'est E accent grave ou EH ou... Je sais pas, je l'avais pas trop demandé. On pourrait faire un logo? Oui, on pourrait, parce qu'on les utilise assez souvent. Ils nous utilisent assez souvent, ça, c'est ce que je voulais dire. Ils nous demandent beaucoup de choses. On collabore beaucoup. Je pense qu'ils ont besoin de matériel de qualité. Ouais. Fait qualité égale c'est fou égale... C'est à peu près ça. Il reste combien de temps? Je sais pas, il reste un petit 1 minute et 20. Moi, je te dirais, passe-moi notre CD pendant qu'on attend Maxime Bilodeau. Je te suggérerais aussi d'ouvrir la porte parce que je pense que Maxime n'entrera pas si... peut-être la laisser ouverte avec... Ouais, c'est sûr. Ouais. On va le voir. Bon. Laisse en trouver. Ouais. Ça sent un peu la bière. Hein? Non, ben, tu sais, la bière, on s'habitue. Hein, parce qu'une fois par semaine, je te dirais que ça sent la bière ici. Là, le jeudi matin. Ouais. Pourtant, j'ai pris ma douche. Je suis sûr que... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas l'air à notre affaire. C'est pour ça qu'il faut s'arranger pour, une fois qu'on revient en onde... Ouais, d'être sérieux. D'être sérieux, puis être à l'aise et au courant de ce qu'on est en train de faire. Tu sais. Moi, je pense qu'on pourrait revenir peut-être après cette chanson-là. Puis peut-être mentionner justement le montage Ferron. Ouais, ah ouais, ça serait un bon moment. Rappeler de quoi on a parlé, tu sais. Ta chronique est finie. La chronique. Ouais, Kinky, c'est fini. Des fois, je l'ai fait en deux parties, mais ça m'a pas fait. Donc, je me suis dit, on va en faire peut-être une autre d'ici la fin de l'émission, une chronique. J'avais préparé la chronique Son foutu palmarès. Hein. Oh. Tu sais, une fois que je commence mes affaires dans le janvier pic, des fois, j'ai tendance à peut-être les oublier après ça. Alors, là, je pense qu'on va revenir bientôt. Ok. Je te laisse la présenter, ok? Ok, parfait. C'était Atomic Baobab et le Viewmaster. Oh oh. Non, l'atterrissage sur la pièce. Oui, c'est l'album, le Viewmaster. Hé, hey, quand même. Hey. Pourtant, je m'étais tellement pratiqué en rond, tout pendant la chanson, j'étais là et je me pratiquais sur comment j'allais revenir. Pas mentir. On voulait être prêt. Donc, David Ferron était avec nous hier pour sa chronique « Les langues dans ton oreille ». C'est toujours bien intéressant. Et il y a eu tellement de bons moments qu'on a fait un petit montage de Ferron classique. Il parle, entre autres, Gustave est revenu. Tu connais son ami... Oui, ben. En fait, son frère. Oui, je sais. En fait, il a frappé une couple de coups, je pense. Puis j'ai eu un peu peur. J'étais voisin de gauche. t'as eu peur de te faire frapper toi-même, hein? Oui, oui. Il y avait ses coups, ils sonnaient vraiment comme dans Batman dans le temps. Hein, des pouf! Des faouf! Oui, c'est. Faouf! J'avais jamais vraiment vu ça dans Batman non plus, mais. Le gars, il a fait une erreur de frappe, tu sais, en faisant les. À peu près ça. OK, donc on va retourner entendre Peter avant d'accueillir d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. Mais t'as pas dit à quelle heure. David Ferron, ça va être entre 15h et 18h cet après-midi, jeudi. Serge joue vendredi à 17h, lundi à 14h. Ça va être une partie de plaisir. On s'en va entendre les chemins étoilés, ça tente de Peter? Bon, oui. On écoute ça à l'assemblage requis, puis après ça, ben Maxime Bilodeau va être. Cool! Cool! Hey, attends, je me suis fait un peu. Ouais, je pense qu'on a quelqu'un. Nous autres, c'est Freestyle. Aujourd'hui, il y a le canal E qui nous enregistre tout au long de l'émission. Fait qu'il n'y a pas vraiment de censure, aucune façon de s'en sortir. On est en onde tout le temps. Faut surveiller qu'est-ce qu'on dit. Puis des fois, t'as des gens qui viennent à la porte et qui discutent. Eh bien, oui, mais c'est Alex Doucet. Comment? Alex Doucet? Cool. Salut. Bonjour. Enchanté. Ah, ben voilà. Il est parti, il avait rien à dire de vraiment intéressant. Ben finalement, non, je pense que non. Plate, ça? Bon, ouais. Ça a été une bonne opportunité, là. C'est d'avoir quelque chose à dire. Ça serait cool, quoi. Comment? Il y a des chansons, des fois, que j'aime chanter. J'ai chanté par le. Ok, ouais. Moi, je connais pas les paroles. Moi non plus. Y a-t-il des paroles dans l'album? Non, je trouve ça plate, les CD qui. Ah, attends un peu, peut-être ici. Ah, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de photos de lui hein, en train d'avoir l'air un peu endormi. Oui. Sinon, tu peux. Je pense que son album, c'est comme un coquillage. Approche. Je pense qu'il va te murmurer avec sa bouche ouverte. Il va murmurer les paroles. Je pense que c'est plus l'intérieur de ta tête que tu entends dans un coquillage. Peut-être que l'album, ça va être l'intérieur du CD. Oh. Peut-être qu'on va entendre le behind the scenes de comment ils ont enregistré l'album. Oui, on va peut-être vraiment savoir plein de secrets. Wow. Genre, qu'est-ce qu'il avait pris avant de faire le shooting photo. J'essaie de trouver où on est. Tu veux les prendre, les parents? Ah, On va se partir en karaoké, assez fou. Ouais. Tu sais, il y a des radios qui ont un bingo. Je Hey, c'est dur de trouver, on est où? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de paroles, c'est ça, c'est de la chanson en paroles. C'est pas du pop Rihanna qui répète la même phrase 3000 fois. Ouais, c'est sûr que tu m'avais donné la bonne page, j'aurais aidé. Ça aurait peut-être aidé. C'est les chemins étoilés, la chanson. Ah. On va entendre l'écoute au complet avant que tu aies trouvé paroles. Ouais. Là, je suis rendu à Peter Peter, voix, guitare, piste 2, 3, 4. Guitare, piste 1, 3, 5, 7, 8. Je pense qu'on revient. Hey, c'est drôle, ça n'a vraiment pas rapport, mais cette nuit, le 2h que je me suis couché, ouais. J'ai branché mon cellulaire, okay. Puis je me suis réveillé, il n'était pas chargé. Comment ça? Mais je sais pas. Mais voyons. Moi, j'ai oublié tout le temps de le brancher, ça explique pourquoi il n'est pas branché de matin. Ouais, je te dis. Ouais. Mais je me suis réveillé à 17. À quelle heure est 17? À 16h17? Ouais. Wow. T'as-tu fait un bâton? Je suis pas sûr si... Débarre là-dedans, on va ouvrir. Moi, ouais, je sais pas. L'ouvrir puis la débarrer. Quoi. Ah, tu vois, je savais. C'est ça. Parce qu'il faut. Maxime Bilodeau, je sais pas, mais c'est le canal E qui est avec nous, qui filme avec ses caméras et ses micros. Puis il nous enregistre tout le long de l'émission aujourd'hui au cas où, s'il attrape un bon moment, même pendant les chansons, ils vont pouvoir le récupérer puis l'utiliser dans le documentaire Behind the Malaise. Malaise. Ils sont très anglophones à Canal E. Ouais, c'est comme ça, ça. Mais. Il avait pas parlé d'un cachet assez intéressant, les autres? Oui, oui, c'est pour ça qu'on le fait. Oui, sinon. Hey! J'ai l'air d'un quoi, moi, là? J'ai l'air d'un maudit fou, là, tu sais? Ouais, fait que non, c'est ça. C'est une chance bien. C'est une chance bien. Écoute, j'aurais jamais retrouvé les paroles. Ben, il te reste 43 secondes, puis après ça, on va aller en pause. On va en pause après? Moi, si on va en pause, après ça va être Maxime. On va. Étoiler. Le sentier. Chemin étoilé. Ouais, on est pas pire. On l'a l'affaire. Ouais, ouais, je vais annoncer la pause après. Retour à la chronique d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau à Assemblage Requis. Restez avec. Je vais mettre la bonne pub aussi. Ouais, ouais, ça serait. Ouais. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou? Bon, donc Maxime Bilodeau, je sais pas si tu as entendu tantôt, le canal est avec nous en studio et ils enregistrent toute l'émission complète, que ce soit pendant les chansons, pendant les pubs. Ben, légalement, pendant les publicités, on n'a pas le droit d'être enregistré. Il y a comme une affaire avec le CRTC, on n'a pas le droit de parler par-dessus les pubs, apparemment, pour canal E. Donc, c'est ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'émission va recommencer là. On va faire ta chronique, ça va avoir l'air bien normal. Okay. OK. Mais après ça, tu vas voir qu'on va, t'sais, on va être enregistré tout le temps. Fait que... Vous allez, oh, c'est tabarouille. Vous me rassurez. Fais juste attention à ce que tu dis. Ah, non, c'est bon. Bon à l'aise. Je vais mettre un petit filtre. C'est chill au bout, là, t'sais. On va laisser parler l'annonceuse heureuse, juste 2 secondes, OK? Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage Requis. Puis toi, Jean-Philippe, t'es comme quoi? Moi, je suis la céréale. La céréale? Ah, toi, t'es essentiel. Si t'étais pas là, il y a... Moi, je pense que la céréale fermentée, parce qu'en ce moment, j'ai un bouchon de bière dans mes mains, puis je me demande ce que ça fait là. J'accuse Mathieu Plante. Non. Mathieu Plante à 6h30 ce matin, avec une bière Unibrou. À la chasse-galerie. À la chasse-galerie. Ça va me donner des drôles d'idées de concept d'émission de radio, ça, je suis sûr. Faudrait faire attention, là, je pourrais m'emporter. Donc, on accueille Maxime Bilodeau. Voici d'une foulée à l'autre. On entre en transe. Et il est parti. Mais avant de partir officiellement et de déblatérer, Mathieu, oui? Deux choses m'ont fait penser à toi cette semaine. Okay, première, une ligne à racheter à ton CV, un titre qui me fait beaucoup penser à toi, Néomaniaque. Méo, pas méloman. Néo, genre comme nouveau. J'aime les nouveautés, les gadgets. Et voilà, t'es un malade de nouveautés. Cool. C'est toi, ça. Rajoute ça à ton CV, puis fais une petite description avec ça, les employeurs vont capoter. Comme dans Matrix, là, tu sais, dans Matrix, il y a le personnage de Néo. Néo. Hein? Ouais. Ça va être moi, ça. Il manque juste les lunettes. C'est ça. Puis le crâne chauve. Puis il n'y a pas une genre de veste de cuir, je sais pas comment. Puis les pectoraux. En tout cas, c'est tout. C'est tout. Puis deuxième chose, vous savez, ici, on parle tout le temps de chat. Ben, aux auditeurs qui nous prennent pour une première fois, on parle tout le temps de chats. Il y a une fois sur deux que j'arrive ici, oui. Il y a question de chats. C'est vrai. Donc, Mathieu, cette semaine, j'ai vu un réseau social pour chats. Ah, non. Catmoji, que ça s'appelle. C'est un réseau social pour chats. Et pour s'inscrire à ce réseau social-là, eh bien, il faut soumettre sa candidature de son chat. Okay. Et si on parle d'autre chose que de chat, on se fait mettre dehors du réseau social. Tu vas recevoir un châtiment. Un châtiment. Oh! Hey, chat rit pas. Charivari. Oh, tabarouette. Guy Mongrain, c'est qui ça, Charivari? C'est Guy Mongrain. Je pense que oui. Non, c'est ça. C'est quand tu te demandes à quoi que je pense, quand je pense à toi, je pense au chat et je pense au nouveau. C'est rassurant, merci. C'est rassurant. Hein? Ouais. C'est bon. Donc, maintenant que ça, c'est l'essentiel est fait, on va passer au plus superficiel, ma chronique. Oui. Vous savez, moi, d'une foulée à l'autre, un de mes grands plaisirs, c'est de démystifier des choses qui ont rapport à l'activité physique, au sport, aux habitudes de vie. En fait, en général, quand j'écoute moi-même la radio, ce qui me fait beaucoup triper, c'est de justement avoir quelqu'un qui démystifie des choses, des questions que je me pose oui. au quotidien, mais que je n'ai pas de réponse, que dalle, pas de réponse, ou que j'ai juste pas le temps d'enquêter. Tu veux pas les chercher, c'est ça? Et à un moment voilà. donné, c'est bien beau passer sa vie sur Internet, aller chercher les réponses. À un moment donné, c'est bien beau voir comment ça fonctionne, mettons, un réacteur de nucléaire, sauf que j'ai aucune notion en chimie nucléaire, donc je comprendrais rien. Anyway, donc, ce que j'aime beaucoup, ce que je veux revenir, c'est simplement quand quelqu'un me prend par la main et me guide, et dans mon ignorance, il me donne les clés pour comprendre, prenez toutes les belles analogies comme ça. Donc ce matin, trois sujets dans lesquels auditeur et co-animateur, je vais... Ben quoi, animateur, dans le fond, moi je suis plus invité. Je vais vous guider dans ces trois sujets. Donc, première question, question essentielle. Une articulation, là, quand ça craque, qu'est-ce qui arrive? Puis est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Mais justement, avant que tu rentres en onde, on se disait hors d'onde. Hors d'onde, ouais. Oui, que je disais ça avec mes amis. Je me demandais vraiment c'est quoi la bonne réponse. Parce qu'on se fait tous craquer les doigts, mais tu sais, je me fais craquer les épaules ouais, aussi, le dos. Ça fait du bien. Mais oui, les orteils me craquent tout le temps. Mais ouais, c'est justement, vous êtes en train de nommer les articulations qui habituellement craquent le plus. Il y a un lieu commun derrière ça, on se fait souvent dire ça mènerait à l'arthrose. Bah. Tu sais, notre grand-maman ou notre maman, arrête de te craquer les doigts, tu vas avoir de l'arthrose plus tard. C'est un petit prix à payer. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Alors, on va enquêter là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une articulation, ça craque? Bon, premièrement, qu'est-ce qu'une articulation? C'est un joint entre deux os. Donc, c'est justement une jonction entre deux os. Il y a plusieurs types d'articulations. Il y a des articulations qui sont pas mobiles, d'autres qui sont très mobiles. Donc, nous, ce qu'on va parler, c'est vraiment des articulations mobiles parce que c'est celles-ci qui craquent. On les appelle des articulations synoviales. Mais tu peux pas te faire craquer le nombril, c'est ce que ça veut dire. Non, et voilà, l'articulation, qui a une articulation. En fait, c'est du cartilage, le nombril et tout. Puis, il y a une articulation qui est prête, mais on peut pas se la faire craquer. Bon. Effectivement. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre ton pouce dedans pour faire de la suction. Oui, et voilà. Ouais, faire les bruits. Ou aller chercher la petite poussière qui poignait dedans. Hey, quand tu pognes le jackpot, les gros matons. Ah, attends, si tu le mets dans ta boîte à collection, ça se l'ouvre plus tard. Il y en a qui font ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Comme se faire péter d'en face. Oui, pourquoi les gens le font? Ça, c'est le genre de choses que si quelqu'un faisait une chronique dessus, je serais peut-être curieux de savoir, mais peut-être pas tant que ça aussi. Non. Donc, deux os à leur surface, qu'est-ce que c'est? Du cartilage qu'on appelle, qu'on constitue la surface articulaire sur laquelle les deux os bougent. On veut. Tout ça, c'est entouré d'une capsule. Cette capsule-là, ça s'appelle la capsule articulaire, c'est elle qui forme l'articulation comme telle. Et celle-ci, elle contient un liquide, qui est un lubrifiant, dans le fond, qu'on appelle la synovie. Ce liquide-là, c'est ce qui permet d'entretenir le cartilage, donc la santé, justement, la santé des os et tout. Dans, justement, l'arthrose, ce liquide-là serait suspecté pour mener à l'arthrose. Et il sert également, bon, justement, de lubrifiant et d'amortisseur. Donc, il contient également ce qu'on appelle des gaz, donc des gaz comme l'O2, le CO2, le nitrogène, qui sont comme en mini-bulles. Donc, imaginez dans votre articulation, dans votre joint, dans votre capsule, qu'il y a des mini-bulles. Comme des Rice Krispies. Oui, voilà. Dans un bol de lait. Des mini-bulles de Rice Krispies, voilà. c'est très bien dit. Donc, mécaniquement, une articulation, ben, ça ne peut pas s'étirer facilement, c'est très stable. C'est justement la fonction de l'articulation. Pourquoi c'est très stable? Parce que le volume justement du liquide que je vous parle, la synovie, il est très élevé, ce qui confère justement une très bonne stabilité à l'articulation pour qu'elle gagne de l'amplitude de mouvement. Donc, comme quand on fait craquer, pour qu'elle gagne de l'aptitude de mouvement, il faut absolument que les gaz dont je vous parle, contenus dans le liquide, s'enlèvent dans le fond, pour que justement le liquide prenne toute la place et que l'articulation prenne un plus grand volume et soit plus mobile dans le fond. Donc, quand on l'étire, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a, dans le fond, il y a une chute de pression dans cette petite capsule-là contenue pleine de gaz. Cette chute de pression-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, dans le fond, tous les gaz vont se rassembler ensemble, les petites bulles de gaz vont toutes se rassembler ensemble, faire une grosse bulle de gaz, qui, la grosse bulle de gaz, va exploser. Si la pression est maintenue assez longtemps, la chute de pression est maintenue assez longtemps par l'étirement, tous les petits gaz vont se mettre ensemble, grosse bulle, bulle va exploser, et qu'est-ce que ça va faire le pop, crac. Caractéristique. C'est pour ça que tu peux pas faire craquer les doigts plusieurs fois. Tantôt, je l'ai fait, et là, je peux plus le faire, puis c'est plat, parce que et là, voilà. J'ai envie de le faire, puis c'est mon parent. Il faut que les petits gaz aient le temps de se reformer, oui. Et que le milieu revienne à son. Moi, ça me démange, là. Je veux tellement le faire, mais là, j'attends de voir si c'est bon ou pas. Donc, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, là, ils sont comme, ah, hey, moi aussi, là, je veux faire craquer les voitures. Il y en a qui sont des experts craqueurs. Oui. On les dit souvent, les chiropraticiens. Crackmaster. En fait, ce qu'ils font, c'est des ajustements par des techniques très, très sophistiquées et très, très compliquées, en fait. Mais, très dangereux, si tu connais pas ça aussi. Effectivement. C'est pas de faire craquer par ton meilleur ami. Là. Non, ouais. C'est... Il y a quelqu'un de près de moi n'aime pas justement les fameux chiropraticiens parce que, bon, quand ils font craquer les cervicales, ouais. c'est peut-être un peu... Je sais que ça va toucher un futur sujet dans ta chronique tantôt, là, mais ils sont pas capables, les étudiants chiro de l'université, mm-hmm. sont pas capables de faire craquer le cou parce que je suis trop flexible, apparemment. Faut que le clinicien vienne me faire craquer le cou. C'est quand même le fun. Ça. Je me trouve spécial, tu vois. Il faut qu'il fasse augmenter le plafond. T'es trop flexible. C'est comme une lame élastique. Peut-être que la tête, à mon avis, va tomber. Mais ils te font signer une décharge quand tu vas chez le chiro, comme de quoi que si jamais tu te fais mettre handicapé, effectivement. Ça se pourrait. Ben, on n'a pas responsable. Ouais. Mais les chances sont très, très, très minces. Ben, je te ramène à une chronique que j'ai faite il y a deux semaines, les micro-vies. Combien de micro-vies pour aller chez le chiropraticien? Mmh. C'est une bonne question à se poser. Allez, écoutez, c'est une émission exactement il y a deux semaines. Effectivement. Donc, si vous voulez aller la télécharger, c'est celle du 17 janvier. Et voilà, Mathieu, toujours serviable. Ouais. Donc, si on mettait des rayons X sur l'articulation pendant qu'on fait ça, on verrait vraiment la grosse bulle de gaz se former. Et on dit à peu près que l'amplitude de mouvement gagnée est de plus ou moins 20%, donc quand même assez substantielle. Donc, l'arthrose dans tout ça, ça ne nous répond pas à ça. Est-ce que ça cause de l'arthrose? Ben, il semblerait que non, selon de nombreuses études. Il y en a une, entre autres, que j'ai retenue parce qu'elle est très, elle fait beaucoup sourire. C'est un médecin, il s'appelle Monsieur Donald Unger, qui a 12 ans. Alors que sa grand-maman lui disait « Ah, fais-toi pas craquer les articulations, tu vas avoir l'arthrose plus tard! » Il s'est dit « Ben, OK, on va voir si c'est vrai. Une main, pendant toute ma vie, je vais la faire craquer. L'autre main, je vais essayer de la moins faire craquer possible, à moins de façon spontanée, mais dans le fond, je la ferai pas craquer volontairement. » Pour la science. Pour la science. For science! Pendant 60 ans, c'est pas fait craquer la main droite, et voilà. Puis, après ça, ben, il a vu l'évolution de la chose et il n'y a aucune arthrose qui s'est mise dans la main droite, mais comparément à la main gauche. C'est une seule personne, est-ce que ça peut vraiment effectivement, être... Effectivement, c'est un sujet, donc on ne peut pas vraiment généraliser. Il y a des études faites un peu plus grand nombre qui arrivent au même résultat, mais c'est simplement drôle de penser que le gars, pendant vraiment 60 ans, s'est pas fait craquer la main gauche, puis la main droite, ça l'a fait craquer tous les jours. Ben, j'étais pour dire, s'il y a des enfants qui nous écoutent à la maison, ça serait peut-être un bel objectif de vie. Effectivement. Sérieusement, là? Confirmer ce qui s'est dit. Avoir le 30 janvier 2013. Il faudrait un chercheur vraiment patient pour prendre la cohorte de jeunes puis les emmener pendant 60 ans. Puis, attends, c'est une mission pour vous. Une mission. Si vous l'acceptez. Dans le dictionnaire, il va être marqué le gars qui a craqué, qui a empêché de faire craquer les mains. En fait, il a gagné ce qu'on appelle le Ig Nobel en 2009, ce gars-là, en médecine. Ouais. Donc, le Ig Nobel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme les prix Nobel un peu inusité, si on veut. Spéciales. Et voilà. Ouais. Donc, il a gagné ça en 2009. Les autres conséquences, il y a d'autres conséquences au fait de se faire craquer les doigts. On dirait qu'il pourrait avoir des dommages aux capsules articulaires. Des fois, on se fait craquer les doigts, puis il y a un deuxième craque qui suit juste après. Ça fait pop, pop. C'est pas bon, ben, c'est la capsule de gaz, justement la bulle de gaz qui s'en va. Et après ça, ça serait la capsule articulaire qui mangerait le coup. Donc ça, à un certain temps, ça pourrait finir par l'endommager elle-même. Faut éviter les double pop. Les double pop. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas se faire craquer les mains trop par en arrière? C'est quoi? Dans les deux côtés, la capsule articulaire peut manger le coup. Donc, se faire craquer les mains, mais avec modération. D'accord. Donc, ça augmenterait également les dangers de luxation. Donc, ça, c'est vraiment l'os qui débarque de son articulation. Ouais, après ça, il tendouille, puis il n'y a plus aucune fonction. Et après ça, c'est la force de préhension qui serait un peu moins. Donc, serrer des mains, ce ne serait pas bon pour se faire, quand on se fait craquer les doigts. Mais encore là, ça reste à prouver. Il y a peu d'études qui font là-dessus. On s'imagine que ce n'est pas le genre de choses que les organismes subventionnaires se font un plaisir de subventionner, d'ailleurs. Donc, deuxième lieu commun, deuxième question qu'on se pose. D'où provient la très grande flexibilité, tu parlais de ton coup tantôt, oui. Mathieu, de certains contorsionnistes, acrobates et même de certains individus? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Il y en a qu'on voit qui se balancent par en arrière, qui se mettent la tête entre les jambes, qui vont se lécher les petits orteils. Oui, entre autres, j'imagine que c'est la première chose qu'ils ont essayé, c'est de se pogner les orteils dans la bouche. Effectivement. Ben, là, un être humain normalement constitué ferait ça, c'est bien sûr, voyons. Oui. Donc, ça fait appel à un lieu commun, j'ai déjà entendu ça, que les joueurs de ping-pong, c'est des gens très flexibles, il y aurait deux articulations. que oui, les contorsionnistes auraient deux articulations pour aller plus loin. Ouais. Ça, ça se peut pas, bien non. sûr. Là, on s'enlève tout de suite ça de la tête. Simplement dire que justement, il y a une raison derrière ça. Donc, on va commencer par examiner qu'est-ce que c'est être flexible. C'est quoi la flexibilité d'un point de vue, de définition? Donc, flexibilité, souplesse, deux mêmes choses. C'est l'amplitude de mouvement qui est permise autour d'une articulation. Donc, on revient encore à nos articulations. On calcule ça habituellement en degrés. Donc, cette amplitude de mouvement-là est variable selon le sexe. Les femmes, actuellement, ont plus de flexibilité que les hommes. C'est variable selon l'âge également. Donc, quand on est plus fort, à mesure qu'on vieillit, on est moins flexible. Actuellement, ce sont les jeunes enfants qui sont les plus flexibles. Juste avant la puberté, c'est à peu près le pic de flexibilité. Tu vois les enfants, quand ils se lever, la jambe vire quasiment à l'envers. Il y en a qui font la split de façon pas possible. Ouais. C'est fou. Tu vas dans une cour de récréation, quatrième année, tout le monde fait la split. Tout le monde fait la split. Mais s'ils faisaient tout le temps régulièrement, est-ce qu'ils resteraient flexibles ou c'est du jour au lendemain, moi, s'ils n'étaient pas flexibles? Probablement qu'il resterait des résidus, mais ça serait quelque chose de pas souhaitable parce qu'il y aurait tous les tissus qui sont responsables de la flexibilité, je vous parlais tantôt, qui seraient justement très très lax, qui seraient très très mou, qui n'auraient plus aucun tonus. Donc c'est variable selon le sexe, selon l'âge, c'est variable également selon les ethnies. Donc il y a certaines ethnies qui sont plus flexibles que d'autres. Absolument, on dit que les Asiatiques, les Africains sont plus flexibles que les Caucasiens, qui sont nous les Blancs. Donc. Blanc bec, et voilà. Donc, c'est important en général de distinguer que la fluidité qui est en statique et en dynamique. Statique, ça, c'est vraiment quand on bouge pas, puis on est vraiment still, on est vraiment immobile. Puis dynamique, c'est vraiment quand on est plus en mouvement. Ici, il y en aura pas juste question, c'est juste une petite question de technicalité. Ça dépend, en fait, la flexibilité, ça dépend beaucoup des ligaments, des capsules articulaires, de tous les éléments, les tissus mous qu'on appelle qui sont autour des articulations, autour des joints entre les os. Donc, ça dépend également de la proprioception et de la tolérance. Donc, les gens qui sont très flexibles, ça m'emmène à ça. Tout simplement que c'est des gens qu'on dit qui sont hyper lax, hyper laxistés, qui sont hyper mobiles. Pourquoi ils sont hyper mobiles? C'est juste qu'ils ont une prédisposition génétique à ce que le collagène dans leur tissu mou, dont je vous parlais autour des articulations, soit pas là dans le fond. Soit le collagène soit très élastique, tandis qu'il serait supposé être relativement rigide, relativement solide. Donc, dans le fond, on dit qu'ils sont là, qu'ils sont très lousses autour des articulations. Et on dit justement que c'est à cause du collagène. Puis ça affecte toutes les structures qui ont du collagène dedans. Donc, ça, c'est les ligaments, les tendons, les muscles, c'est tout. En fait. Mais si tu prenais du collagène, ça se vend les pieds de collagène à la tonne, tu pourrais pas l'avenir. Je penserais pas parce que je pense que c'est vraiment à la synthèse du collagène comme tel. Je me suis pas attardé plus sur une protéine, en fait, le collagène. Je me suis pas attardé plus qu'il faut à la question. Donc, comment qu'on fait pour avoir le diagnostic clinique qu'on est justement hyper lax, hyper mobile? Chers auditeurs, si vous tentez, levez-vous et faites-le en cœur, ça peut être très drôle. Donc, on appelle ça le test de Bayfen. Puis, dans le fond, il est en cinq points, le test de Bayfen. Premier test, je vous invite à le faire si vous voulez bien. Mettez votre main à la hauteur de vos yeux et essayez d'emmener votre petit doigt à 90 degrés de l'horizontale. Dans le fond, est-ce que votre petit doigt soit perpendiculaire à votre main? Si vous êtes capable de faire ça sans vous assister, sans prendre votre doigt, le lever pour qu'il soit debout droit, debout droit. Ouais, mais là, tu triches ton pouce. Ouais, à 90 degrés, voilà, la main doit vraiment être à 90 degrés. C'est d'emmener votre petit doigt à 90 degrés, perpendiculaire à la main. Si vous êtes pas capable de faire ça, c'est un signe que vous êtes pas hyperlax. Si vous êtes capable de faire ça, c'est un signe que vous seriez hyperlax. Ça te fait mal, toi? Moi, je forçais. Non, c'est pas mal, mais je suis pas capable. Je suis clairement pas capable. Ça, bien sûr, sans assister, sans prendre son doigt. Lever le doigt droit dans cette. Ouais. Caroline, je voudrais voir quelqu'un qui est capable de faire ça. Moi, je connais du monde qui regarde de faire ça. J'ai vu du monde qui regarde de faire ça. Si vous êtes curieux, vous irez voir sur Internet, il y en a vraiment des pas pires. Wow. Donc, ça, c'est le premier test. Deuxième test, on prend notre pouce, puis sans l'assister, encore une fois, il faut toucher son avant-bras. Ah, ça, je suis capable de la main droite. Non, mais sans l'assister. Sans l'assister, ça m'attend un peu, toi. T'es fou, là. Attends un peu, sans l'assister. Tu triches, là. Sans l'assister, il y a du monde. C'est débile. Le monde qui sont hyper lax, sont capables de faire ça. Troisième test, prenez votre coude, l'articulation du coude, et essayez de l'emmener ce qu'on appelle en hyperextension. Donc, dans le fond, au-dessus de l'horizontale. Ça, vous êtes à peu près supposé d'aller jusqu'à moins 10 degrés, qu'on dirait. Si vous êtes capable d'aller au-delà de ça, donc si votre coude s'en va fléchir, mais vraiment dans l'autre côté de ce qui serait supposé fléchir, non. Ça, vous êtes hyper lax. Même chose avec l'articulation du genou. Donc, vous essayez de l'étendre, puis si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable, en fait, vous ne l'êtes pas, mais si vous allez au-delà du moins 10 degrés, qui est de la normalité, vous serez hyper lax. Et le dernier, vous gardez vos genoux justement étendus, ok, vous vous levez et vous allez toucher avec vos paumes de votre main le sol. Et ça facilement, là, sans forcer, sans se donner un élan, sans se casser le dos, sans faire une hernie discale. C'est ce que j'allais dire, je vais me casser le dos avant de pouvoir faire ça. Donc, si vous êtes. Ça, il y a un score derrière ça pour chaque test. Vous êtes capable de faire ça, c'est que vous êtes hyperlax pour un certain score. Félicitations, puis On est au studio, les filles. En fait, je pensais... J'écoutais la semaine dernière Stéphanie dans sa chronique. Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef de Zone Campus. Ouais. Et elle parlait de son nez qui était... Qui avait tendance à aller dans plusieurs sens et des tics de nez. Ouais, alors ça m'a fait penser à pourquoi je parlerais pas des gens qui sont capables, mais avec tout leur corps au complet, pourquoi pas? Oui, ceux qui sont capables de bouger leurs pectoraux puis leurs oreilles en même temps. Non, c'est pas ça. si tu veux. Donc, il y a des conséquences par contre à être hyperlax. Pour la santé, ben ce que ça fait, c'est que la cicatrisation est plus lente. Ah. Donc, à cause justement du collagène, qui est du problème génétique dont je parlais, il y a également une plus grande survenue de blessures aux tissus mous. Mm. Donc, ça, c'est tous les tissus dont je parlais tantôt. C'est sûr que si on pas programmés pour aller dans toutes ces amplitudes de mouvements-là, donc plus susceptibles de se blesser. Il y a également un risque plus accru de dislocation, d'arthrose à plus long terme et de douleurs chroniques. Ce qui m'emmène à dire que, dans le fond, là, les acrobates, là, ceux qui sont des contorsionnistes, c'est des gens qui sont en excellente forme physique, qui s'entretiennent beaucoup, si on veut, parce que ça demande une très grande condition physique. Il faut faire beaucoup d'entraînement, il faut prendre soin beaucoup de soi pour être capable de contrôler cette réalité-là d'être hyper lax, hyper mobile. Mais ça ne durera pas longtemps. Ça dure. En fait, quand génétiquement tu es de même, c'est définitif. Ah ouais. T'es hyper lax le reste de tes jours. Même à 90 ans, tu vas être super. En théorie, oui, effectivement. Ouais. Eh ben, on en apprend-tu des choses ce matin. Ça. Donc, troisième question, un peu moins funny que les deux autres, mais quand même. Est-ce que présenter un léger surpoids est une. Est-ce que présenter un léger surpoids, désolé, serait une bonne chose pour la santé et l'espérance de vie? Ben oui. Ça fait. Ben oui, on est en santé, non? C'est bien sûr. Donc, la référence de ça, c'est qu'il y a une étude qui est parue au début de l'année qui rapportait justement que dans une cohorte de personnes, au terme de l'étude, ils avaient trouvé que les gens qui avaient un surpoids avaient une meilleure espérance de vie en pourcentage. C'est quoi cette étude-là? C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, ça, c'est une analyse, une analyse, une analyse avec plusieurs milliers, puis ici, dans ce cas-ci, c'est millions de personnes. 287 millions pour être plus juste. Ils ont pris en compte 97 études qui avaient été faites auparavant, puis ils ont toutes mis ça ensemble. Ils ont vu que les gens qui avaient un IMC normal de 18 à 25 avaient une moins bonne espérance de vie que les gens qui avaient un IMC entre 25 et 30, compris entre 25 et 30, qui est l'IMC pour le surpoids. Okay. Donc, ça, les réactions ont été pas possibles. On a entendu beaucoup parler dans les médias. Être gros, c'est mieux qu'être maigre. Laissez tomber vos résolutions du nouvel an, c'est pas grave. la peur absurde des professionnels de la santé pour le poids. Plein de réactions dans le genre. C'était un florilège de... Donc, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est pas vrai? Je me suis attardé à l'étude comme telle. Je suis très en retard dans les maritimes, si on veut, parce que ça fait quand même un mois que l'étude est sortie, mais quand même, je vais apporter mon petit grain de sel. Moi, je n'ai pas entendu parler. Voilà, oubliez ce que je viens de dire. Grosse nouveauté, c'est sorti un matin. Bon. Donc, qu'est-ce que ça... Ben, il y a plusieurs billets, en fait, dans l'étude que j'ai décelé. Et parmi ceux-ci, il y en a une que c'est... Ben, sur les 288 millions de personnes qui ont analysé, ils ont juste constitué des groupes selon les IMC. On sait que dans une étude, pour étudier les choses, on fait des groupes et on compare les groupes statistiquement et tout. C'est de façon relativement compliquée, en fait. Ils n'ont pas pris en compte, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'ils ont juste tenu compte des IMC, ils n'ont pas pris en compte des facteurs confondants comme la cigarette. La cigarette, quand on fume, c'est une bonne chose d'être en surpoids. Okay? C'est quelque chose que l'on veut parce que les effets de la cigarette vont faire que quand tu vas cesser ou plus tard dans ta vie, tu vas être plus susceptible aux maladies, donc tu vas être plus susceptible à justement être à l'hôpital et perdre du poids. Donc, si tu as une réserve de poids, tu as des meilleures espérances de vie, tu vas mieux survivre que quelqu'un qui a moins de poids qu'un fumeur qui est maigre. Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas pris en compte des facteurs confondants, justement, comme la cigarette. Ils ne sont pas cons, les gens qui ont fait cette étude-là. Ils savent cette réalité-là. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aplati l'effet d'une façon statistique. Sauf qu'entre vous et moi, quand on parle de quelque chose comme l'obésité, c'est quelque chose de très compliqué, de très multifactoriel. Donc, on ne peut pas aplatir les réalités de même juste de façon statistique. Il faut vraiment en prendre en compte dans notre analyse, dans la façon qu'on bâtit notre analyse. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils ont juste constitué, ils ont constitué dans le fond trois groupes, ou plus, enfin, plusieurs groupes, mais ils ont juste constitué dans le groupe d'IMC normal, qui est de 18 à 25, un seul groupe. Ils auraient dû séparer le groupe en deux. Donc, les gens de poids très faible et les gens de poids normal, genre 18 à 22, les gens de poids très faible. Quand on a un poids très faible, effectivement, on a peut-être plus de chances de mourir ou d'avoir une moins bonne espérance de vie parce que, justement, on n'a pas assez de poids. L'idéal serait à peu près un poids de 22 à 25 en termes d'IMC. Donc, ils n'ont pas constitué ce groupe-là. Et bon, il y a d'autres choses. L'espérance de vie, entre vous et moi, c'est pas la qualité de vie. Pas parce que tu vis plus longtemps que tu vis plus heureusement. ce qui est très, très pertinent ici par rapport à l'obésité. Et puis, dernière chose, c'est que l'IMC, là, c'est une mesure qui est complètement... c'est fantoche, ça veut rien dire. C'est comme quand on dit, je me pèse sur la balance, puis je me dis, oh, je suis gros, faut que je maigrisse. Mais c'est quoi que t'as pesé? C'est-tu des muscles? C'est-tu du gras? Où est situé ton gras? C'est pas assez précis. C'est comme pas assez précis, ça veut rien dire. C'est juste c'est le poids et la grandeur qui donnent et ce voilà, dès qu'on a un athlète, mettons un joueur de football, là, sur la ligne défensive, là, entre vous et moi, là, c'est un monsieur qui doit avoir un IMC de une trentaine, là, quand même. Mais il serait considéré comme fatty, comme obésité morbide et compagnie. Sauf que, regardez-le, analysez-le de point de vue masse musculaire, puis probablement que c'est dans les athlètes qui ont la plus grande masse musculaire au monde. Donc, c'est très, très imparfait, l'IMC. En fait, ce qu'il aurait dû utiliser comme mesure dans cette étude-là, c'est le taux de taille. Le taux de taille, on l'appelle ça le gold standard, si on veut, parce que ça, justement, ça permet de voir où est répartie la graisse. Puis les graisses qui sont vraiment nocives pour la santé, c'est les graisses qui sont réparties au niveau plus du dedans. La taille du ventre. Et voilà. Donc, c'est de là le taux de taille. Donc, à retenir de tout ça, c'est que dans le fond, en fait, ce qu'on a à retenir de tout ça, c'est que c'est bien beau parler du poids, sauf que si on est en forme, même si on est gras, c'est pas grave. Ah, faut être en forme parce que là, j'ai comme mon. C'est ça, t'es dans le fond faire de l'activité ah, physique. Ah, ça défait mon plan, là. Faire de l'activité physique, même si tu restes avec ton surpoids, c'est pas grave parce que on appelle ça fat but fit. Dans le fond, l'activité physique est ton meilleur baromètre de la santé que juste le poids. Fat but fat, dans mon cas. En tout cas. Vous remarquerez ici que ma conclusion à laquelle j'arrive, dans le fond, c'est que bon, faites de l'activité physique. J'essaie de la ramener à chaque semaine. Faites de l'activité physique. C'est une bonne morale à donner. C'est une bonne chose. Et voilà. Trouvez des raisons, trouvez l'activité physique que vous aimez. On a ici des problèmes techniques en studio. C'est notre ami Jean-Philippe que son micro lui a tombé dans les mains. Mais ça il va aller se recoucher, son micro. Il est en forme, son micro, il saute partout. Il saute partout. Puis quasiment autant que moi. Donc, voilà, c'était mes trois mythes de la semaine. C'est super, ça, merci. Ça fait plaisir. On va se coucher moins idiot ce soir. Moins idiot. Et voilà. Plus intelligent. Donc, si vous voulez aller voir mon fameux site internet. Oui, il mentionne l'adresse. www.dunefoulée-à-l'autre.com. Cette semaine, j'ai fait un texte, oui, sur l'inné ou l'acquis. Les gènes ou l'environnement. Le talent ou le travail. Cool. Donc, toutes ces questions-là, par rapport à l'activité physique, ce sont des questions qui reviennent de façon récurrente dans l'actualité. Voyez-vous, la semaine dernière, c'était justement sur les jeunes victimes d'intimidation. Il y aurait une supposée cause génétique derrière ça. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais bon, vous allez aller voir pourquoi j'y crois pas. On va aller lire ça sur dunefouleeàl'autre.com. Il y a aussi ta page Facebook d'une foulée à l'autre. Effectivement, ok, je mets des petits liens très intéressants pour perdre joyeusement son temps entre deux tâches qui vous tentent pas de faire. c'est la fonction de Facebook. Comment? C'est la fonction de Facebook. C'est à peu près son rôle. et on te lit dans Zone Campus. Bien sûr. Une autre bonne façon de passer le temps. La semaine prochaine, messieurs, j'ai déjà décidé mon sujet. Je vais vous parler de fesses. Fesses! Il y a une chronique ici, je pense, le mercredi matin. Oui, exactement. Ouais, 8h30, chronique de sexe avec Annabelle Maton. Puis on a fait Kinky Sexy Time tantôt avec des faits sur un genre de c'est un fait, mais de sexe. Fait qu'on va faire un 2 heures en continu de sexe. C'est merveilleux. Ça fait plaisir. Merci, Maxime Bilodeau. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée aussi. À la semaine prochaine. On retourne en musique pour l'instant, sans entendre. On a créé un monstre. On sort une vieille pièce du palmarès. C'était Je pleure ou je ris. Ça a déjà été sur le Candy. Oui, on écoute ça à l'instant. À l'assemblage requis. Bon, donc là, toujours le canal est toujours avec nous. Il filme tout le long de l'émission, peu importe qu'on soit en musique ou pas. Il arrête pendant les pauses. Ils sont bien sympathiques quand même là-dessus. Ouais, au moins. Mais ça nous permet de vraiment capturer l'essentiel de l'émission. Le jus. La pâte. Le moment où quelqu'un se gratte la poche. C'est la pâte. La poche de hockey, bien sûr. Je parle de sport, moi. Je sais pas, de passer au travail. Tu sais, l'œuf poché. Un examen poché. Oui. Des pochoirs. Oui. Pour faire des étampes sur le mur. On est en forme. Il a dit « ta poche ». Elle était poche. Mais c'est pour ça, c'est pour capturer des moments comme ceux-là qu'on laisse Canal E nous filmer tout le long de l'émission. C'est le fun. Tu penses à Canal D, ça? Canal E! Canal E, excusez! Mélange pas les postes, voyons là! Excusez! Les autres, ils aiment pas ça quand on les compare à quelqu'un, à un autre chose comme ça. Il y a quelque chose qui existe vraiment, ils aiment pas ça. On sait pas où c'est diffusé. En tout cas, moi, je sais que sur Belge, je ne l'ai pas. En Ouzbékistan, ils vont nous voir. Ouzbékistan. Peut-être que c'est un chat direct ou je sais pas trop. Je sais pas, il est où le poste, mais je sais qu'ils nous demandent souvent de faire des affaires avec eux autres. Il va avoir une voix off qui va commenter, puis de jeunes occidentaux qui commentent à la radio, infortunés. Voyez-les comme ils sont junkies de la vie. Ah, mais ça, c'est Charles Sarr qui va animer ça. Ouais, Charles Sarr ouzbek. Ouzbek, Charles Sarr ouzbek. Très très bon. C'est très très très beau. On rappelle tantôt, tu nous as parlé d'un réseau social pour chat, Katmoji. Ah ouais, j'ai pas de note. Mais je m'en vais voir ça si ça a l'air. Parce que je vois. À l'instant. Des chats, moi, même s'ils sont pas à moi, je les aime tout le temps. Ils sont tout le temps beaux. Oh, Hier, il y en avait un qui était dans un hamac. En fait, il y en avait deux qui étaient dans un hamac. Il y en a un qui se suspendait comme il était mort. Là. Vous savez, les chats, là, quand ils sont lazy, là, sont comme. Tu veux dire tout le temps. Ils sont tout le temps, là, effectivement. À part quand ils mangent, bien sûr. Là. Ah, ben ça. Faut bien prendre une pause une fois de temps en temps. C'est dur leur vie, j'avoue. Hein. Faut être actif. C'est break syndical. Et voilà. Saut dans la litière. Hey, j'oublie tout le temps de faire la litière. C'est un sujet. Oui, c'est con, mais je suis très lax. Lax. Sur la litière. Sur la litière, c'est ça. C'est hyper mobile, la litière. Hyper immobile. Immobile. La litière, exactement. Tantôt, on a Jasmine qui s'en vient. Il faut regarder s'il est là tantôt aussi. J'ouvre la porte. Ouvre la porte un petit peu. Au cas où. Parce que Canal E, c'est pas ça qu'ils vont aller ouvrir la porte. Ils ont des choses à faire avec la caméra et leur micro. Ils sont tellement sophistiqués dans leur matériel. Ils sont tellement occupés, là. Ça n'a pas d'allure. Ouais. On va revenir dans 30 secondes à peu près faire la fin de l'heure. Bon, on a le temps encore. On a le temps encore un petit peu de jaser. Ouais. La fille, hey, Colin, elle a un chat sur ses cuisses, là, le chat, il a l'air content. Ouais. Parle-moi de ça, un chat content. Hey, une chatte contente. Faudrait vraiment pas que les filles sachent qu'on parle de chat. Jamais, non. On ferait juste ça. Ou de bébés. Des chats ou des bébés, là. Oublie ça, on aurait toute la parentalité et les demoiselles. Ouais. Attends, on va revenir en ondes. Le service aux étudiants. Non, c'est pas celle-là. Caroline, attends, hey, une chance que c'était pas en ondes, ce bout-là. Hein? De toute façon, on est. Ok, non. Donc, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se revient dans quelques minutes avec Jasmine Raymond-Drainville. On se revient. On se repart. On recommence. On retourne. On revient en ondes. Refais-le-moi-le, comme dirait l'autre. La je quatera. On va inventer des mots à je quatera. On va peut-être se faire comprendre en ouzbek. En ouzbek, les gens comprennent pas les références qu'on a fait hors ronde. Non. C'est dommage. Hey, oui. S'il avait été là. Il aurait eu du fun. Il en aurait appris. C'est ça. Donc, au retour, Jasmine Raymond-Drainville, on a aussi la chronique politique de François Landry et tout ça. Pour l'instant, on va écouter l'info campus, OK? Faisons-le. Restez là. Ok, donc Jean-Philippe, tu sais que le canal E est toujours avec nous? Ben oui, hey! Hey! Hey, girl! Hey, en plus, hey, c'est tellement ça que j'ai fait quand mon micro a tombé tantôt. T'as fait hey! Hey! Mais comme un Fort Boyard quand tu t'es lancé en bas du. Attention, la pub est finie. Je pense que ça va être l'annonceuse heureux qui va parler. Excuse-moi. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 31 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau. Ça passe vite, ça? Déjà le temps passe vite. C'est comme si on parlait tout le temps sans cesse. Ben, on dirait. Hein? C'est épuisant un peu. T'as dormi juste une heure cette nuit, toi, en plus? Ouais. Bon, on se plaidera pas en ondes de même, là. Ouais, non. Ben non, on le fera. On le fera. Oh. Exactement. Dans quelques minutes, on recevra Jasmine Raymond-Drainville pour sa chronique de l'âge du UQTR. Mais pour l'instant, voici Eastward et First Morning Light. C'est bon, ça. Très bon. Ce matin, c'était beau le soleil qui se levait. Ouais, y a-tu du soleil? Moi, j'ai vu juste de la pluie. Ah, je mélange peut-être la guerre. Ouais. Ben, en tout cas, il y a eu de la clarté. Ouais. Mais nous, tu vois, dans notre bureau, on n'a plus de clarté du tout. C'est fini. on est dans un bunker, on dirait. Ils ont troqué un peu le soleil par de l'eau, je pense. Ouais, c'est ça. Et non seulement il y a de l'eau dehors, parce qu'ils font, ils construisent un nouveau pavillon, okay? Mais à l'intérieur, ils font fondre la neige. Okay? Ah. Donc, ça coule sur le bord de nos fenêtres comme si c'était le torrent total. Okay? Et pendant, je sais pas si c'était... Ben, ça devait être hier après qu'on soit parti. On est parti vers les sûrement 5 heures, un petit peu avant 5 heures. Puis quand je suis revenu ce matin, toutes nos affaires qui étaient à terre, il y avait des CD, ben, tu sais, sur le bord de la fenêtre aussi. Ouais. Il y avait des CD, il y avait mes écouteurs, tout ça. Et c'était sur mon bureau. Donc j'imagine que quelqu'un, je sais pas si c'est les concierges, quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait eu de l'eau. Il y avait de l'eau. Dans le local. Mmh. Et puis là, ben, je pense que mes écouteurs étaient dans un sac parce qu'il n'y aurait pas survécu, je pense. Ah. Oh. Je viens juste de les acheter, ça. Moi, ça aurait été plate. Ça aurait été plate. Mais bon. Ouais, c'est une chose qu'on n'a pas dit ça en nom, c'est plate en mort comme conversation, ça? Ben, moi, ça m'intéresse. Ben, cool, moi aussi. Moi, c'est ça qui est le fun. De toute façon, on parle entre deux. Ben oui. Il n'y a que toi puis moi. Ben oui. Puis Jasmine qui s'en vient sûrement bientôt. Oui, attends. Puis ouvrir la porte encore parce qu'on ne sait jamais quand elle va arriver. Ouais. Ben, je suis encore sur 4 Moji, moi. Je suis pas capable d'arrêter de regarder des chats. Faudrait que Jasmine voie ça. Si Jasmine voyait ça, elle triperait bien raide. Ben raide. C'est comme un genre de Pinterest du chat parce que quand, plus tu scrolles, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des choses bizarres qui se passent. C'est le gars qui est venu nous voir tantôt, ça? Oui. Il liche un peu comme un chat, il fait des lapsus. Là. Hey, t'as-tu un peu de monnaie, pauvre gars? Là? C'est pas bien qu'il file pas. Ah, oh, pauvre gars! Hey, il a l'air drôle, il va faire la radio, ce gars-là. Ben oui. C'est le fun. Ben voilà. Ouais, je pense qu'il a compris le message. Oh oui, de toute façon, De toute façon, on n'est pas en ondes encore. Fait. C'est ça, c'est pas grave. T'arrives quand tu veux, puis on n'est pas en ondes. Prends le micro qu'il y a là, puis parle dedans. Puis... Dis-toi que c'est pas en onde, personne d'autre que nous autres va entendre. Comme ça, on n'est pas en onde. On n'est pas en onde. Parce qu'on le dit assez souvent. La belle voix de Denis Blanche. C'était quoi encore une fois cette nuit? C'était le rallye nocturne? C'était exactement le rallye nocturne, en fait. Nous avons plusieurs photos à prendre et se promener un peu partout en Mauricie. Ça a bien été? Ça a très bien été. On a eu un bon score. Je pense que toutes les équipes ont eu beaucoup de plaisir là-dedans. Il y a combien de choses à trouver en dessous? Pas mal? Pas mal. On va y aller avec pas mal. À l'heure qu'il y a matin, on va y aller avec pas mal seulement. Okay. Hey, ouais. Moi, je suis tellement mauvais perdant. J'étais en train de crever les pneus de tout le monde hier dans le. Je n'aurais pas dit ça en onde. Toi qui portes le chandail, Rascan puis Kevin Bacon. Bon, mais il faut juste le faire de. Tu sais, les deux chars que tu as crevé. En étant là. C'était nous autres puis les autres. Ah. Tu nous as pas aidés. C'est vrai que c'était nous autres puis les autres. Toi. Oh, c'est toi, c'est moi, c'est nous autres, c'est moi, tatata. On va dire au hasard, genre bépep. On s'est dit, mais pas en nom. C'est-tu un chandail de Rouge Pompier? Oui. Parce que je me disais qu'Kevin Bacon, c'est le nom de leur album. Ben oui. On devrait en faire jouer dans tout le temps. Ils ont du matériel, c'est le fun, je trouve. Un chandail drôle. Ben, il fait vite l'effet, en tout cas. Tout le monde aime le bacon en ce moment, c'est à moi, tu sais. Ben ouais, avant qu'il n'y en ait plus. Avant qu'il n'y ait plus de bacon. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai ça, j'avais pas dit que c'était comme. J'avais entendu que c'était un mythe. Un fléau? Ouais, un fléau. Il n'y a plus de bacon. Ouais. Il aurait pas fallu que je fasse cette erreur-là, non? Non, fléau. Ça arrive là, la refléau. Mais... Non, mais c'est un canular. Est-ce que c'est un canular pour demain? C'est une nouvelle qui sort de où? Je sais pas. C'est un bacon. Ben, c'est ça. Ça avait passé aux nouvelles. Ça disait, tu sais, achetez votre cargaison de bacon avant qu'il n'y en ait plus. Puis. Ouais. Mais finalement, ils sont retournés en arrière, ils ont dit we can go back on that bacon. Ils sont capables d'avoir n'importe quel aliment transgénique, on va avoir du bacon synthétique certain. C'est ça. Déjà que du bacon de dinde, c'est bon. Hein? Du bacon de poulet, ça existe, c'est bon. Ouais. Ça goûte pas tout à fait le bacon. Tant que c'est du bacon. Ouais. Ouais. Encore une conversation sur le fly. Super intéressante, sur le fly un peu comme ça. Une chance que Canal E ramasse tout ça, va faire un documentaire et ça sûrement, j'espère, parce que moi, ils m'ont dit qu'ils allaient me payer pour faire le documentaire. Passer ça. Fait que c'est qui suis-je pour poser des questions plus que ça? Je veux dire, je leur fais confiance. Et... Moi, du moment que je reçois un chèque résiduel. Ah, d'ailleurs, attends, avant que j'oublie, je vais te redonner Peter. Ok, redonne-moi Peter. Donne-moi un CD aussi, s'il te plaît. Parce qu'on va revenir dans comme 30 secondes, non? Puis, faudrait comme pas. Non, mais je pense que c'est toi qui l'as. T'es pas vu? Non, je pense que j'ai tout fait jouer, tes enfants. Ouais, ben je voulais que tu remettes ça dedans. Ouais, je sais, mais j'ai besoin d'autres musiques. Vous êtes rendu où, là? Ouais, on est rendu. Ben, je pense qu'il reste comme 15 secondes, puis là. On va revenir en nombre. On va revenir en nombre. On va revenir en nombre, c'est ça. Vous parliez de quoi? Fais attention, on va. Je sais pas. On de tout plus de rien. Un peu là. Ben, je pense que je sais de quoi je vais parler, en fait. Ouais, c'est... Attention. C'était East Road avec la pièce First Morning Light à Assemblage Requis. Et maintenant, ben, premièrement, on a quelqu'un de nouveau en studio qui vient d'arriver. Bonjour. Hey! T'appelles comment, toi? Ça va bien. Moi, c'est Alexandre. Alexandre, enchanté, Alexandre. Oui. C'est un beau nom. Donc, ben oui, je faisais aujourd'hui le rallye nocturne. Okay. On s'est pas encore couché, donc plein d'activités. Jean-Philippe est au courant de ce que c'est de pas se coucher. Est-ce que tu as aussi une heure de sommeil? Non, moi, en fait, j'ai pas d'heure du tout de sommeil. Non, c'est ça, il m'a battu. Pendant que tu tournais des films, mais moi, je tourne. Non, c'est ça. Mais là, tu sais, les gens qui pouvaient pas nous écouter hors d'onde, tu pouvais pas nous écouter. Hey, si seulement la radio marchait de même qu'on pouvait entendre ce qui se passait hors d'onde. Hey, t'imagines tout ce qu'il entendrait d'impertinent. Ce serait beau. Ah, ce serait l'enfer. Mais c'est ça, tu sais, se faire dire, ouais, tu sais, pendant que tu tournais des films, hey, là, ma mère va se poser des questions. Qu'est-ce que tu faisais à tourner des films à ce temps-là? Tu savais les guisements qu'on avait en plus. Ouais. Aïe, des films de. Tu tournais des affaires croches, toi, avec du bacon. j'imagine, dans le Grotte Bacon, les filles qui nagent dans le Grotte Bacon, sûrement? Oui. C'est ça? Mmh. Si on veut vraiment... Mmh. Là, j'essaie de me souvenir des statistiques que tu disais pour essayer de... d'enploguer quelque chose. Oui, pour que ça ait servi à quelque chose de faire cette chronique. Ben oui, mais j'ai pas pris de notes. J'ai pris... Ah oui, non, c'est vrai, on est en onde. On est en onde en ce moment, c'est ça, il faut faire attention. Des fois, c'est difficile dans la vie de qu'est-ce qui est en onde, qu'est-ce qui est en onde, hein, c'est bon. Donc, on va avoir Jasmine Raymond-Rébis sûrement dans quelques minutes pour sa chronique... Sa chronique AGEQTR. Toujours pas là, hein? Toujours pas en ce moment, non? Voilà. Non. Négatif. Il y a personne à la porte. Donc, à la place, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est une semi-nouvelle chronique. En fait, on l'a commencé la semaine passée ou il y a deux semaines. C'était vraiment le fun de faire ça. Donc, voici son foutu palmarès. Intro de notre émission, c'était celle-là. Donc, son foutu palmarès, c'est la chronique où je présente juste un palmarès, okay, un top de choses. Oui, mais j'aime ça, moi. C'est original, hein? Ouais. C'est en ordre croissant. On préfère de croissant et décroissant en même temps. Le okay. numéro 10 est aussi le numéro 1, mais si tu le prends vers l'autre bord. C'est bon, on va y aller. Pas bien. Là, moi, tu viens de me perdre. L'important, c'est que t'écoutes. OK, voilà. Donc, écoutons le palmarès des façons de réduire le stress et l'anxiété. Ah, c'est bon. C'est intéressant quand même. Donc, premièrement, boire du thé vert. Donc, la L-théanine, qui est une amino-acide qu'on retrouve dans les plantes du thé, dans le fond, dans le thé, ce qui promouvoit la relaxation et qui enlève l'effet qui te rend hyperactif de la caféine. Et c'est pour ça que même si le thé contient de la caféine, ça reste quand même relaxant. On dit de prendre entre 1 et 3 tasses par jour pour avoir les bénéfices maximaux du thé. T'es pas sérieux. 1 à 3 tasses. T'es pas sérieux. Sérieusement, je pense que j'abuse. Je fais une réaction au thé. J'en prends trop. C'est 7. Moi, je peux le faire toilette. C'est 7. OK. Moi, je dirais que 1, pour moi, c'est assez parce que j'aime pas tant ça le goût. On avait une chronique de thé dans le temps avec Xavier Antoir. Ici à Sondage Ricky, c'était vraiment super intéressant. Il m'a donné le goût d'en boire et j'en bois plus qu'avant, mais. Mais il t'a pas converti totalement. Pas totalement. Disons que je suis un gars de café, quoi qu'il arrive. Fait que c'est pour ça que peut-être que mon cœur palpite un petit peu trop souvent. Donc, position ou 9e, peu importe dans le sens que vous voulez, c'est de rester loin des nourritures qui sont. Tu sais, ce qu'on lit souvent sur les emballages, c'est genre du processed cheese, du fromage, du processed. Je sais pas comment appeler ça en français. Simili-fromage. Des affaires comme ça, il faut rester loin de ça. On répète que c'est bien pour éloigner le stress. C'est pour éloigner le stress et rester loin de tout ce qui est processé. Éloigner le stress et l'anxiété. Donc, rester loin des sucres artificiels, du fast-food, des produits qui sont faits à base de farine blanche, on dit les boissons gazeuses, tout ça, ça va déranger ton système digestif. Donc, c'est mieux d'éviter ces nourritures-là si vous voulez avoir l'estomac calme et l'esprit calme. Oh. Pas pire quand même. Ouais. Je vais regarder peut-être un peu plus ça la prochaine fois. Je pense que ce serait une bonne idée. Surtout les boissons gazeuses, c'est clair que là-dedans, il y a de la caféine aussi. Fait que c'est sûr. Bon là-dedans. Par contre, quelque chose qui pourrait nous surprendre, et qui moi m'a surpris quand je l'ai lu, c'est de manger du chocolat. Parce que le chocolat, ça va relâcher ce qu'on appelle des phényléthylamines dans le cerveau. Donc, ça cause un changement dans la pression sanguine et dans les niveaux de sucre sanguin, ce qui va mener, dans le fond, à un sentiment de... Tu vas te sentir alerte, tu vas te sentir excité. Donc, les experts croient que le chocolat crée un... C'est comme être en amour, dans le fond. Ça crée la même chose dans le cerveau, manger du chocolat, qu'être en amour. C'est la phényléthylamine. C'est le bonheur. C'est la phényléthylamine. Okay. Ça veut pas dire de manger. Pas facile à dire. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça les lire. Donc, ça veut pas dire de manger une barre en mars à toutes les 2 heures. Là. Non, mais ça doit être du chocolat noir. Exactement. Chocolat plus noir. Et tu sais, quelques petits carrés par soir peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Ça pourrait être bien. Ils disent tout le temps de prendre du vin aussi pour plein d'autres choses. C'est pas dans mon top en ce moment. Devant un feu de foyer avec une peau d'ours. Puis des guimauves. Puis une fille. Ensuite, prendre une journée de congé. Une journée de congé, tu sais, on appelle ça une journée de santé mentale en anglais, Mental Health Day. T'es pas obligé d'être malade pendant le congé. Faut juste que tu... Et au combien de temps? Ou combien de temps? Exactement. Aux deux jours. Quand tu as eu une grosse semaine, aux deux jours. Quand tu as eu une grosse semaine que tu te sens particulièrement stressé, là, j'imagine que il faut aussi que tu aies avec les règles de ton travail. Là, tu peux avoir, mettons, 5 jours de congé que tu as le droit pendant l'année. Éparpille-les ou sois pas malade. À la semaine. Ou faites comme certains, c'est de plus en plus populaire de prendre une journée de congé le vendredi à chaque semaine, faire ta semaine sur 4 jours. Des fois, les patrons vont accepter que tu condenses tes heures de travail. Oui. Donc, essayez-le, ça vous tente. Mais bref, une journée de santé mentale, même si c'est juste une demi-journée, ça peut déjà vous aider à récupérer après une longue semaine, une semaine difficile. Évidemment, c'est ça, demandez à votre patron, on va le faire. À moins que vous travaillez dans un environnement où vous pouvez prendre congé quand ça vous tente. Ou si vous travaillez ou pas. Non, c'est... Ça, c'est le congé... ad vitam aeternam. Je pense pour te déstresser, ça serait bien que tu travailles. Si tu travailles une pas, journée. Une rentrée d'argent, ça doit ça aide sur le moral. Exactement. Ensuite, on dit d'éviter le café. Le café peut contribuer à votre nervosité et peut faire des sauts d'humeur. Donc, limitez votre input de café si vous voulez déstresser. On dit d'éviter les palpitations au cœur, etc. et les soirées où on ne dort pas à cause du café. Tu sais, le mythe dit de ne pas prendre de café après 5 heures. Ici dans l'article, on conseille après 11 heures le matin d'arrêter de prendre du café. Oups. Mais là, ma vie. Ils sont fous, là. Hey, je bois, moi, je tète mon café dans ma tasse jusqu'à genre 2-3 heures d'après-midi. Ça, puis monter. Oui. Je m'en sors pas. Ton 8e thé de la journée. C'est comme le pic, là, entre 11 et 3. C'est là que t'en as besoin. Mais hein, si tu veux pas t'écrouler. Ta chronique m'enrage. Ouais, moi aussi. Alors, je me déteste, cette affaire. Sixième place, on dit de juste respirer. Ah, donc c'est sûr que c'est utile, respirer. C'est vraiment la base. C'est quelque chose qu'on sous-estime. On oublie ça trop souvent. L'importance de respirer. Donc, t'es pas obligé de faire du yoga, t'es pas obligé de faire la méditation pour te calmer. On dit juste de respirer profondément en plein milieu de, mettons, du trafic. Peut-être pas à Trois-Rivières, le trafic, la lumière rouge. C'est mort. On dit l'après-midi au travail de respirer. On dit pendant que vous êtes en attente à la caisse, à l'épicerie, de prendre des grandes respirations, tu sais. Lire un magazine en respirant, ça peut être pratique. T'sais, voir les dernières nouvelles de chez eux. C'est sûr que faire des grands respires devant la caissière, c'est sûr qu'elle pense aussi que tu fais juste soupirer. C'est ça. De longueur. Je sais que c'est long, t'es pas obligé de me soupirer d'en face, là, gars. C'est jamais ça fait, si long que ça, tu sais. Ça fait diminuer ton stress, ça fait augmenter celui des autres. ça peut être long des fois quand t'es pogné derrière le gars qui a acheté 42 caisses de Pepsi. Il y a tout le temps quelqu'un qui achète un panier rempli de Pepsi. C'est long des fois. Ou des gratteux. Ou les gratteux. Oui, il faut qu'il fasse approuver chacun de ses gratteux de la fois d'avant. Chacun. Et mon tableau. Et s'il gagne, d'or acheter. Oui. Ah, voilà. Et choisir lesquels acheter, moi, les bonheurs de l'épicerie. Ah, c'est pas lui que vous vouliez? Ah, non, mais là, tu y as touché. Fait que, regarde-le, il est chanceux. Ah, c'est ta caissière préférée. Ah, en tout cas. Oui. Ensuite, prendre de l'huile de grain de lin. Flaxseed oil. Flax, c'est bien ça, le lin? Et là, on parle de le lingerie ou de ce... De lingerie. Jeu de mots! Jeu de mots! Puis là, ça change tout le sens sur le mot féminin. Et ingérer la graine de lin. Ouf. Ouais, t'aurais pu la garder pour le hors 11. Donc, l'huile de flaxseed, ça aide à améliorer ton humeur. Ça augmente les fonctions du cerveau. Tu prends une cuillerée à table le matin avec de l'eau. Ou encore, tu l'ajoutes, et là, c'est une très bonne idée, à ton smoothie. Si tu fais un smoothie le matin avec ton Magic Bullet, ta boulette magique... Ça pourrait être utile de rajouter de l'huile de flaxseed. D'ailleurs, il y a un lien sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis pour en acheter.com? Non. Assemblagerequis.com pour en acheter. 10$, 50 environ pour 8 onces. Vas-y. T'en prends-tu? Non, j'en prends pas, mais c'est ce qu'ils disent. Okay. Moi, je vous dis ce qu'ils disent. Je vais pas dire que je vais pas suivre mes propres instructions. Là. C'est parce que je dis pas ce que je fais. Comment? Dans mon thé. Dans ton dans thé. Ben, ouais. Oui. Mais juste dans les chiffres pairs de thé. Oui, c'est ça. C'est une sur deux, comme les pauses. 2, 4, 6, 8. Tu mets du lin. Puis 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, le café. Ah oui. Oh, yoy. Bon. OK. Position numéro 8, faire de l'exercice régulièrement. La cardio, c'est le cardio qu'on dit, le cardio, et lever des poids. C'est des soulageurs de stress très efficaces, nous le dit-on. Le poids. Comment? On parle bien d'athlète. D'altère. On parle de poids, c'est d'athlète. Pas de lever votre ami un peu douillet. Exact. Plein d'amour. Plein d'amour, c'est ça. Donc, on dit d'aller au gym environ 3 à 5 fois par semaine. Faire de l'exercice, ça fournit, dans le fond, ça relâche physiquement et mentalement, ce qui vous permet d'enlever vos sentiments de négativité dans votre vie. Voilà. Ensuite, position numéro 9, vous débranchez. Ça, je pense que c'est évident. Lâchez le cellulaire, le Facebook, le Twitter. À tous ceux qui nous écoutent à l'hôpital, ne prenez pas ça au pied de l'air. Donc, prenez une pause de votre téléphone, télé, ordinateur, Kindle, n'importe quelle autre source de distraction. Débranchez-vous pendant 30 minutes par jour. Ça va vous aider à relaxer. Essayez ce conseil-là et voyez vos niveaux de stress descendre. Jamais. Non, il faut avoir une source de divertissement. Minimalement. C'est quoi, je vais lire un livre, voyons donc. Hey. C'est prêt pour qui? Il nous reste... monteur, en fin de compte. Et il nous reste de faire le ménage. Ça a l'air vraiment bizarre, mais juste faire le ménage. On dit que le désordre, ça va créer un sens de confusion et de chaos dans votre vie. Donc, enlever les choses qui ne sont pas nécessaires dans votre maison, ça va aussi enlever le désordre dans votre tête. Vous débarrassez des vêtements que vous ne portez jamais et des choses que vous n'utilisez jamais. Vous allez vous sentir mieux avec le temps. Oh! Hey, on pourrait rajouter une onzième... Vas-y donc. Ben, si vous faites rien de tout ce qu'on a dit à la chronique, ben de ne pas écouter la chronique. Là, moi, je suis stressé à mort de rien faire de tout ce que je devrais faire. Là. Je fais pas d'exercice, je bois du café. Non, c'est d'y aller pas de moins fort, moins intense dans tout aussi. Tu sais, peut-être que tu peux t'en mettre moins ses épaules. Ça t'arrive de te débrancher, ça t'arrive de prendre des congés. Il a retenu sa leçon, lui. Oui. Ça paraît. T'as combien de cours cette session? Hey! Tu sais? C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que pour enlever du stress, peut-être que rajouter assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h pour toi, ça peut-être pas aider ton niveau de stress, surtout quand tu dors une heure dans la nuit. Je te dis ça de même. Mais. Ah, ben check, non, je suis content de t'avoir. Non, non. T'as la main comme une roche. Oui, mais je suis pas lax. Par exemple, le problème, c'est l'autre. t'as juste la main droite qui shake, la main gauche est complètement stable, t'as un problème dans le cerveau. Je ne sais jamais parler de ma prothèse. C'est pas un vrai. Mais non. Il a l'air vrai. Mais non, c'est faux. Quand même. Bon, voilà pour la chronique Son foutu palmarès. Eh oui. Mm-hmm. Alors, on sait que François Landry s'en vient tantôt avec sa chronique Logocratie 101. Pour l'instant, on retourne en musique, on va entendre Rouge Pompier et un paquet de choses. Oh, c'est bon, hein? Ben oui. On s'en va entendre ça. Oh, j'ai ouvert la porte. Ouvre la porte. François Landry est là. Je sais pas si le gag sur les hôpitaux. Tu vois, Jasmine est sur quoi? Sur l'été encore? Sur les hôpitaux. Les hôpitaux. Parce qu'il faut rappeler aux gens que, ben, en fait, aux gens en studio, parce que là, François Landry et Jasmine Raymond Réville viennent d'arriver. Et aujourd'hui, le canal est, vous les voyez peut-être autour de nous, dans notre majestueux et grandiose studio. Ils sont là avec leur caméra et leur micro parce qu'ils capturent l'émission au grand complet. Ils veulent avoir les blagues qui sont en ronde parce qu'il y a de l'or là-dedans. On devrait enregistrer leur ronde tout le temps. On s'est trouvé un nouveau moyen de financement, bref. On s'est mis un petit bocal et puis les gens de l'équipe vont nous donner de l'argent pour pouvoir faire ce documentaire-là avec notre aide. Oui. Ça va être le documentaire Behind the Malaise. The Malaise. Sur le canal R. Ça, c'est ce qu'ils ont trouvé hein, en creusant, je pense, de la malaise. Ou une joke de déjeuner avec de la mélasse. Ah oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, c'était trop facile. Ouais, j'attendais le dernier quart. Ben, c'est pour ça qu'on fait toutes ces blagues-là en rond. Après ça, une fois qu'on les a vraiment travaillées, un peu comme quand tu verses de la mélasse, ça tombe jamais. Il faut moins que tu attendes longtemps avant que ça tombe. Ou les anciennes bouteilles de ketchup Heinz. Ah non, mais ça existe-tu encore? Je sais que les anciennes bouteilles de coke existent encore. On me dit que oui. Ça va. Pour vrai, ouais. Je vais préparer les micros de François Landry. Jasmine Raymond-Rémy qui s'en vient là. Je vais aussi placer son intro. Oui, Jasmine. Mathieu, est-ce que tu aurais un adaptateur? Un adaptateur, oui, j'en ai un ici. Oh. J'en ai deux, t'en veux-tu deux? Non, non. Juste un? Juste un. Choisis lequel tu veux, main gauche, main droite. Non, j'en ai pas d'autre. c'est de l'humour. Ça valait la peine de faire ça. Hein? C'est pas grave, ça m'a fait de l'exercice de bras. Oui. Toujours bon d'exercer mes bras, ça. Ça va diminuer ton stress. C'est ça. Ben, t'aurais pu faire une blague de faire genre des étirements de ton autre bras que d'habitude. Ça aurait été drôle. Mais je comprends que t'aies pas voulu la faire. Ouais. En onde, ça aurait été trop, là. Ouais. On est hors d'onde, ça va. Ça va très bien. Chanson de la GE, c'est bon, t'es là. On est prêt là-dessus. Il nous reste à peu près 30 secondes, tout le monde. On va revenir bientôt. Parfait. Tu restes avec nous, Alex, hein? C'est ça? Oui, ça vous dérange pas. Ben non, tu vas nous parler de... J'ai hâte que tu me parles de la prochaine fin de semaine, tu t'en viens. Faire ça tantôt. Ouais. Chose à la fois. Il reste 20 secondes, on va revenir bientôt. Ok, c'est bon. Rouge Pompier, paquet de choses! Kevin Bacon, c'est le nom de l'album de Rouge Pompier. C'est, ma foi, très, très bon. Tout à l'heure, on aura François Landry, sa chronique Logocratie 101, qui s'en vient avec le chasseur du sac. Le chasseur du sac. Ouais. Il est-tu sur le petit site qu'on a eu tantôt? Là, avec Non, mais on veut que tu nous rappelles l'adresse. Ah oui, ben je l'ai ici. Attends un peu. Je l'ai mis dans mon panier. C'est 4moji.com. C'est un petit post-it. 4moji.com. Faut que je montre ça surtout à Jasmine, parce que je sais que toi, François Landry, les chats, c'est pas tant... Ça serait surprenant. C'est un réseau social pour les chats, Jasmine. Oh, mais François, c'est lui qui m'en a parlé, là, comme 5 minutes. Là. Il est très pas autant que moi. Tu l'as entendu à la radio? Et là, je vous écoute le matin, les gars. Wow! Tu dois aimer l'émission de ce matin, toi. Donc, avant de passer à François Landry, on reçoit Jasmine Raymond-Dréville. Voici la chronique de l'AGEQTR et... AGEQTRE, AGEQTRE, AGEQTA. Peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, pro, pro. Salut Jasmine. Capable. Yo, yo, yo, yo. Capable. Tu veux qu'on en fasse une nouvelle avec toi? Oui. OK, un jour. On va y penser. Okay. Mais gardez toujours le propre. Ben c'est François-Olivier qui fait le propre featuring. Il revient à chaque semaine ça de son projet passion. Juste pour ça. Ouais. Ouais. Pas pire, hein? Mm. Ouais. Donc, Jasmine, de quoi on parle aujourd'hui? On parle évidemment des activités, des actualités de la GEQTR. Oui! Ouais. Ben de plein de choses dans un ordre encore pas chronologique tant que ça. Pourquoi avoir de l'ordre dans la vie? Hein? Parce que c'est plate. Ça stresse. Voilà. On l'a dit tantôt. Ça stresse. Oui. Ça stresse. Le chocolat. Mange le chocolat. Donc, s'il y en a, par hasard, qui nous écoutent depuis 3 semaines, ils vont me trouver plate en tabarouette parce que je vais me répéter encore un peu. Donc, à commencer par le colloque multidisciplinaire dont ça fait 3 semaines que je parle. Mm-hmm. C'est les 4 et 5 février, donc lundi et mardi prochain. C'est en après-midi. C'est plusieurs étudiants qui vont venir présenter leur projet de recherche. Donc, okay. Les étudiants aussi supérieurs. Il y a des professeurs aussi qui vont venir parler. Je vais vous dire l'horaire. Oui, ben oui. Parce que j'avais pas fait ça. T'en gardais un petit peu pour l'étaler sur 3 semaines. Comment? Tu l'étalais pour leur parler sur ton site. Puis en fait, c'est que les étudiants ont jusqu'à aujourd'hui, en fin de journée, pour s'inscrire pour manger avec nous parce qu'il va y avoir un buffet froid lundi midi puis un buffet chaud mardi soir. Mmh. Donc, il faut que vous vous inscriviez pour ça. Sinon, juste pour venir assister aux conférences, pas besoin d'inscription. Vous passez devant l'atrium, vous rentrez puis on vous accueille. Vous êtes fin de même? On est fin de même. Accueillant? Oui. Yay. Voilà. Donc, je vais vous dire l'horaire. Lundi, donc à 12h15, ça va être l'ouverture du colloque suivi du dîner. Il n'y a pas de conférence durant le dîner, donc on mange en jasant là, avec nos voisins de table. À 15h, à 13h15, il y a Laurence Doyle et Marie-Ève Girard-Arbour en ergothérapie qui vont venir parler. C'est un long nom, ça? Oui, Marie-Ève Girard-Arbour. En ergothérapie? Oui, en ergothérapie. Donc, ces deux filles-là vont nous parler de l'ergothérapie avec les enfants atteints d'un trouble d'acquisition de la coordination. Donc, ils vont venir nous parler de ça. En fait, elles vont venir nous parler de ça puisque ce sont deux filles. Ensuite, à 13h45, il y a Kevin Brasseur, donc en biophysique et biologie cellulaire, qui va venir parler des études précliniques d'une nouvelle molécule hybride sélective envers les cancers gynécologiques. Ça peut jamais être court, des noms de références. Donc, Kevin va venir parler de ça. Ensuite, il y a une pause de 15 minutes. De 14h30 à 15h30, c'est Éric Asselin, qui est un conférencier titulaire de la chaire de recherche du Canada en gynéco-oncologie moléculaire. Donc, lui, il va venir nous parler de pourquoi le cancer et comment le combattre. C'est trop court comme titre. En une heure. C'est ça. Donc, c'est lui qui a le plus de temps, puis avec le nom le plus court. Pas logique du tout. Oui. Comme quoi? Comme quoi, oui. J'ai bien placé comme commentaire, Jean-Philippe. Donc, pour le lundi, c'est terminé. Ça commence plus tôt. Le mardi, ça commence à 13h30. De 13h30 à 14h, c'est l'ouverture. Il y a Mathilde Baraban, qui est une professeure de littérature au département de lettres et communication sociale, qui va venir nous parler de « Quand commence le passé? Les histoires de la littérature française et la littérature de leur temps ». Voilà. Donc, ça fait changement du lendemain de la veille, parce que la veille, c'est plus des sciences de la santé. Tout à fait. À 14h30 le mardi, c'est Nancy Théberge du département des sciences de l'éducation qui vient parler des formes de soutien auprès des élèves inscrits au parcours de formation axé sur l'emploi. Mais laissez pas les titres vous empêcher d'y aller. Là. Parce que les titres sont tout le temps longs, mais ça reste tout le temps intéressant. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme vu que tout le monde nomme les affaires avec des longs titres, il faut que ça continue la tradition. Probablement. Ça doit être ça. On imagine. À 15h, Elisabeth Coutu du département des sciences humaines en études québécoises va venir parler de la monoparentalité à Trois-Rivières de 1871 à 1911. Précis, hein? Moi, ça me fascine, les trucs en histoire comme ça. Avec des dates vraiment précises, là. C'est... Comment? Un an avant, ça comptait pas. Non, c'est ça. 70, puis... Non. Les chiffrons... C'est ça. Non. C'est pour les, c'est pour les carrés. C'est pour les... C'est les ça. Anglais. Moi, je trouve ça bien le fun. Ouais. Donc, ça va parler des conditions de vie et stratégies de survie des familles soutenues par un seul parent. Moi, quand je regarde des affaires de même, je me dis que jamais je vais à la maîtrise. Je trouve ça épouvantable. Trop pour toi. Mais allez-y, pareil. On en a besoin de vous, pareil. Exactement. Il y a une pause de 15 minutes après ça. De 15 à 15h45, il y a Claudia Matteau du département de mathématiques et d'informatique qui va venir parler d'une introduction au fractal. Ne me demandez pas ce qu'est une fractale. Allez-y, à la place, expliquez-le à Jasmine. Ouais, moi, je vais y aller, je vais être là. Cool. Et ensuite, à 16h15, il y a Atem El Matbouli, je m'excuse si je prononce mal son nom. Bouli. Lui, il vient du département de génie électrique et génie informatique, puis il va venir parler des nouvelles approches pour la détection d'hydrogène dans les technologies ARF et micro-nanosystèmes. Oui, j'ai vu ça l'autre fois. Ben oui. Ben, nano. Ah oui, dans le livre, là. T'sais, oui, de l'autre, là. Oui, Avec l'auteur, là. Puis, c'est un best-seller, ça a l'air, là. T'as-tu dit sur Wikipédia? On devrait partir la Wikipédia pour Alexandre Laramie Wiki. Non, sur Wikipédia. Non, mais pour vrai. On pensait à Manon Miel. OK, Wikipédia. On notait ça. Penser. Bon. Okay. Ensuite, à 16h45, toujours mardi, Francis Clément du département de chimie, biologie et des sciences de l'environnement va venir parler de l'influence de la structure des paysages sur la qualité de l'eau et des rivières, de l'eau des rivières du sud du Québec. Mm-hmm. C'est ça. Oui. Un autre supérieur, hein? Oui. Parfait. La dernière conférence va avoir lieu durant le souper de 17h30 à 19h. C'est Gilbert Cabana qui est professeur au département de chimie biologie. Copacabana. Chaque pensé. Nom, hein? Chaque nom. Je donc, suis dit en nom, donc je sais pas. Donc lui va faire une conférence intitulée Nous sommes de lacs et de rivières, impacts environnementaux sur le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires. Mm-hmm. C'est ça. Ça finit à 19h avec un vin d'honneur. Cool. Tantôt, parce qu'on a fait des jeux de mots à presque chaque nom, là, c'est quel qui s'appelait Barabin? C'est Mathilde pratique. Baraban, c'est une prof en Baraban. Littérature. Ok, parce que je pensais que c'était Baraban, je me suis dit, pratique quand tu veux te laver, tu vas au Baraban. Mais si c'est un Baraban, c'est pratique quand tu veux t'asseoir. Aussi. C'est un Baraban. Oui. C'est ça. Comme à l'ancienne chasse, il y avait un Baraban, tu pouvais prendre des coussins et aller les mettre sur les chaises. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus ça, fait que les chaises sont pas confortables pareil, mais t'as plus de coussins à les mettre. C'est ça. Belle femme. Pogné pour être inconfortable. On a upgradé ça. Fait que, en tout cas, si vous voulez voir l'horaire, c'est allé vite, vous pouvez aller sur le ageqtr.org, il est au complet. Donc, il y a des affiches aussi un peu partout sur les babillards de la GE. Parfait. Donc, c'est ça pour le colloque. Vous avez jusqu'à aujourd'hui, en fin de journée, pour vous écrire à l'adresse cyclesup.age@commercialuqtr.ca. cyclesup.age@commercialuqtr.ca. C'est noté. Ensuite, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus de défis S3, trucs machin, planche à neige, ski extrême pendant le carnaval. C'était ça le nom officiel. Hein? Ben, c'était bien long, là, tu sais. Il n'y a plus ça? Non, il n'y a plus ça. OK. Non. Il n'y a plus ça. Fait que la GE. C'est une remarque. En passant, il n'y a plus ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas remarqué, il n'y a plus ça. La GE va faire un jam des neiges à la place. Cool. C'est ça. Donc, okay. ça va avoir lieu le mardi 12 février de midi à 23h dans la côte du Caps. La côte qui est barrée, qu'on ne peut pas passer par là, puis c'est pas pratique. Là. T'en plains ça. OK, parfait. C'est ça. Donc, il va y avoir des rampes, plein de trucs là, pour faire des passes de ski puis de snow. Ça va être enneigé, la côte. En tout cas, c'est tout arrangé. Il va y avoir des rampes là, de la neige. Puis, je pense que c'est dans la côte à côté. Je pense pas que ce soit dans la côte, dans la rue. Bon. En tout cas, allez dans ce coin-là, vous allez voir. Là, vous allez voir tout le monde qui va être là. Il n'y a pas mille espaces entre le pavillon de Kiro et le Caps. Exact. En quelque part là. Vous inscrivez sur place. Je vais répéter la date. C'est le mardi 12 février. Vous vous inscrivez, vous amenez vos skis, votre snow, vos trucs comme ça. Vous êtes obligé de porter un casque. Évidemment, parce qu'on veut pas que vous mouriez non plus sur place. Ça serait bien plate. Ça serait pas un deuxième blessé majeur. C'est ça, une autre ambulance encore, là, ça va faire. Il va y avoir un bar de montée pour l'occasion. Il va y avoir vente de bière, café, chocolat chaud. Ça va être un bar à banc, excuse-moi, j'ai oublié de l'appeler. Non. Peut-être un bar à ski. Là, c'est ça. Merci. Un bar à planche. T'es trop, t'es bien. C'est un bar à banc drôle. Oh my god. Ça c'est beau, les jeux de mots, ça va? Merci, oui. Parfait. Il va y avoir un DJ aussi pour vous faire bouger entre chaque compétition. Mm-hmm. Des prix de présence qui vont être tirés parmi les spectateurs. C'est gratuit pour tout le monde. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas étudiantes à l'UQTR, il y a un coût de 20$ pour vous inscrire. Pas pour venir assister, mais vraiment juste pour vous inscrire. Puis sinon, les étudiants de l'UQTR qui veulent s'inscrire, c'est totalement gratuit. Les hommes, les femmes sont acceptés, là, tout le monde. 18 ans et plus? Ouais. Bon, en fait, il n'y a rien d'écrit, là, mais oui, là. Hein? Si vous arrive de quoi, soyez-en conscient, puis c'est de votre faute. Parfait. Mais portez votre casque. Oui. C'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas descendre. Puis c'est ça, au total, il va y avoir plus de 1 500$ en prix qui vont être remis aux gagnants. C'est bien. C'est ça. Très bien. Inscrivez-vous. Oui. Ça va être bien le fun. C'est ça. C'est ça, tout. Oui, ensuite, les 13 et 14 décembre dernier, il y a la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, la vice-présidence aux affaires sociopolitiques qui ont participé à une rencontre thématique préparatoire au sommet sur l'enseignement supérieur. C'était ici. Juste pour vous dire qu'il y a un résumé de la rencontre qui a été mis sur le site web de l'AGE, www.ageuqtr.org. Allez lire ça, il y a à peu près 5 pages, c'est assez complet sur les impressions de ces deux personnes-là lors de la rencontre. Puis, rencontre préliminaire au sommet qui s'en vient bientôt, donc pour être au courant avant. Semblait ça, il y en avait quatre. Il y avait Trois-Rivières, Sherbrooke, c'était où, François? Rimouski et Québec. Bon, voilà. Puis le sommet, c'est quelle date? 24-25 février, 25-26 février. Dans ce coin-là, fin février. Donc, les 13 et 14 décembre, c'était ici de la rencontre. Fait que, allez voir le résumé, c'est bien intéressant de voir tout ce qui s'est dit puis comment ça s'est passé. Mm-hmm. Fait que c'est ça pour le résumé. Ensuite, pour terminer, bourse d'implication de l'AGE UQTR. Vous avez jusqu'au 1er mars 2013 à 17h pour venir chercher votre formulaire de réclamation de demande de bourse dans les locaux de l'AGE. Donc, que vous soyez impliqué dans une association départementale, que vous soyez impliqué dans la lubitre, dans plein d'affaires, là, dans n'importe quoi que vous pensez qui est pertinent. Remplissez, faites une demande, puis l'AGE va vous peut-être en fait là, vous remettre une bourse. Il y a un petit comité qui va sélectionner ça, mais il y en a beaucoup qui sont remises là, habituellement. Ça vaut la peine de s'inscrire. Oui. Puis j'ai dit finalement, mais c'est pas finalement pas en tout. Il me reste encore des choses à dire, mais pas tant que ça. Et la soirée artistique poésie littérature va avoir lieu le 14 février à 19h. C'est un jeudi. Vous êtes invités à venir lire votre poème, votre histoire de maximum 2 pages en caractère 12. Interlinked. À la Chasse Galerie. Les inscriptions vont être sur place. La semaine passée, je vous avais dit que je savais pas trop, là, mais les inscriptions vont se faire sur place. Fait que ceux qui veulent s'inscrire, peut-être vous présenter une quinzaine de minutes à l'avance, là, à 18h45, à la Chasse Galerie le 14 février. Bon! Puis ça fait pas mal le tour, là, je pense. Ça en passe des choses. J'aime ça. Non, mais c'est une chronique bien garnie, j'aime ça. Oui. Cool. Merci, Jasmine Raymond-Réville. Avec plaisir. Oui, on te retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h. Toujours. Merveilleux. Dans quelques secondes, François Landry, sa chronique Le Gracie 101. Je sais qu'on doit recevoir quelqu'un du carnaval peut-être bientôt pour lui parler des activités de la journée peut-être. Peut-être. On verra. Pour l'instant, on écoute une pause publicitaire. C'est bon? J'ai réalisé qu'il est tard en le disant. Oui. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Hey, c'est vrai, attention, gang. La gang du documentaire de Canal E, Behind the Malaise. Ouais, comme leur slogan, comme leur chanson sur leur canal à TV. C'est quoi leur chanson thème? Ça dit Canal E, Canal E. Est pour toi. Est pour toi, Canal E, est pour toi, leur célèbre slogan. Donc, c'est ça, les caméras et les micros de Canal S sont avec nous pour capturer les moments dorés là, qu'on a behind the malaise. Et là, je pense qu'on est prêt pour recommencer. Je pense que la pause vient juste de finir, même que je pense qu'on est un petit peu en retard. Il y a sûrement un blanc en ondes en ce moment. Je vais faire le plan de lundi. Okay? Lundi, à Assemblage requis. Simon Fitzby viendra commenter l'actualité à sa façon dans son éditorial. Si mon humeur vous déplaît. Véronique Mire sera là pour sa chronique du bureau de la réussite étudiante et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan. Le temps d'une culture, c'est lundi 7h à Assemblage requis. Soyez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, il est 8h40. En passant, il n'y a pas de La Belle et les Bêtes après nous, donc on peut défoncer un petit peu. C'est le fun, hein? Parlant de dépasser un petit peu, est-ce qu'on parle de carnaval tout de suite? On va y aller avec Marie-Michel Boudreau qui vient d'arriver en studio live comme ça sur l'hélicoptère. C'est fou. Donc on va parler du... Mais bravo. Voici la chronique du carnaval étudiant. Le carnaval étudiant édition 2013. C'est fou. Salut Marie-Michel. Je ne me tannerai jamais. Ah, c'est dommage que ce soit sa dernière journée, malheureusement. Mais c'est on pourra t'en faire une copie. Oui, si tu veux. Tu vas pouvoir l'écouter toute la semaine quand tu veux. Tu pourras faire une fausse chronique carnaval pendant ton matin. Coupe une chanson d'Assemblage requis puis insère ta chronique dedans live chez vous. T'appelleras Danny Janvier un midi. Ça va tellement le surprendre, ça va être malade. Bonne idée. Donc Marie-Michel, revenons un petit peu sur la journée de mercredi qui avait lieu hier. Mercredi avait lieu hier, je te dirais. Qu'est-ce qui s'est passé au carnaval hier? Au carnaval hier, on a eu le rallye bottine en matinée. Donc, on a eu quand même pas mal d'étudiants qui sont venus s'amuser à nos petites activités inventées. Et à l'extérieur, là, on a pas mal de monde quand même qui a bravé la température hier au rallye bottine et au volleyball. On a des participants qui ont affronté les Patriotes au volleyball. Malgré la pluie, là, je pense que les gens ont eu quand même pas mal de plaisir. Cool. Oui. Puis, il y a eu aussi, là, hier, le tournoi de beer pong. Il y a eu un petit talent show aussi. Un genre de UQTR's Got Talent. Oui, un genre d'UQTR Got Talent. Puis, on a eu droit à des numéros à couper le souffle, je dirais, ouais. Ça n'a pas fait de mort, toujours. Non, mais on a eu peur. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, jeudi, 31 janvier, c'est la dernière journée du carnaval. Voilà qu'est-ce qui nous attend. Oui, ce matin, on attend une matinée haute en émotion. On a le défi Le Camp ce matin. Oui, c'est aujourd'hui. Ça, que, entre autres, à Julie Durocher, chroniqueuse, collaboratrice à l'émission, qui va se faire raser le coucou. J'ai fait mon don sur le site de Leucan le jour de sa chronique, mardi. J'espère que vous allez le faire. Vous avez encore le temps de le faire aujourd'hui. Donc, allez sur défitêterasé.com. Cherchez Anne-Julie Durocher. Anne-Julie sans le E à Anne. Anne-Julie en a un. Puis Durocher en un seul mot. Voilà. Oui, donc c'est ça, on va voir le défi tête rasée de Leucan ce matin, puis ensuite on traverse du côté de la chasse galerie pour le défi Tipa Game. C'est une journée où on testera les participants. On torture les gens. Puis on a le défi C'est fou aussi en fin d'après-midi. À 15h ça, je crois. À 15h, oui. Ouais. On va le couvrir en direct au Palmarès C'est fou tout à l'heure avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay. On va voir une journaliste sur le terrain pour nous tenir au courant du score comme à toutes les années. Est-ce que vous allez être encore avec le Canal Hey? Canal Hey, eux autres, ils vont tout filmer ça, puis ils vont mettre ça quelque part à un moment donné. Puis ouais, l'argent va à moi. Ah, oh, c'est ça. C'est un inside, ça. Même Michel n'est pas au courant, c'est normal. Puis aussi, dans l'après-midi, la question de pas trop... de conserver nos participants, là, de pas les rendre malades pour les prochaines semaines. Là. On a décidé de transférer l'activité de soccer qui devait avoir lieu dehors, en fait. On va leur préparer une petite activité à l'intérieur. On leur garde la surprise. C'est fin. Oui, puis ensuite, il y a la fameuse shop d'or là, qui... Ah, les planchers vont que mal s'en sortir, s'en tenir, en tout cas. Oui, ça va être sale, ça va être collant. Donc, la fameuse shop d'or là, qui va clôturer le carnaval ce soir, c'est à suivre. Les résultats sont très, très, très serrés cette année. Donc, on ne sait pas encore. Il y a une tête d'affiche, mais à une quelques trentaine de points d'avance. Là. OK, on trouve où justement les résultats du carnaval jusqu'à maintenant? On n'a pas les parlé de ça. Les résultats du carnaval sont sur la page Facebook à Carnaval étudiant UQTR. Superbe. Et ils sont aussi affichés souvent à la chasse-galerie sur l'écran de projecteur, projection. Exactement. Voilà. C'est tout? C'est tout. C'est tout pour toujours? C'est tout pour toujours. Mais on t'apprécie beaucoup. On apprécie ta présence. Et tu reviens quand tu veux pour n'importe quel sujet. Hein? Fun, hein? Yeah. Yeah. Marie-Michel Boudreau, merci. Yeah. Merci à vous. Évidemment, on te retrouve au dîner de con sûrement ce midi. Oui, c'est midi. Super bien. Donc, tu sais, moi, je dis au revoir pour Assemblage requis, mais c'est pas au revoir pour toujours à toujours. Voilà, on va tout de suite, on va enchaîner avec François Landry en laissant la petite musique du carnaval comme ça. Ooh, bah oui, c'est bon. Et c'est là que ça commence, attention, François Landry, Logocratie 101. Tu vois, ça aurait dû commencer juste là. Ça aurait été bien beau si ça avait commencé juste là. Attends un peu, je pense. Ah, c'est ça. Tu feras du montage. On va couper sur montage Canal Eva, c'est quoi? Collègue. Le début est solennel. Donc, François Landry, oui. Bon matin, je pense qu'on commence un petit peu trop tôt sur le thème. J'écoutais pas pendant ce qui se passait. Non, vas-y. On est freestyle aujourd'hui. Donc, François, aujourd'hui, le thème, c'est le chat sort du sac. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais que Jasmine m'explique l'expression. Parce que Jasmine. Hier, quand j'ai écrit mon texte, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait cute. On va utiliser ça. Ça n'a aucun rapport avec les chats macroniques. Est-ce que tu me laisses 15 secondes? Oui, vas-y. Parce que je sais pas par cœur, là. J'ai jamais cherché ça. L'an passé, j'avais fait une chronique sur des origines d'expression de même, mais c'était elle était pas bon, dedans. C'était bon, cette chronique-là. Elle faisait une chronique mais linguistique. Pas comme ça. Moi, j'appelais ça Jasmine de rien, mais. J'ai jamais dit. Mais elle trouvait pas ça long. C'est pas long, là. Non, vas-y, toute vas-y, la journée. On a le temps, là. Jasmine Kepoura. L'origine. Jasmine, nanana. Jasmine quoi? Kepoura. Jasmine Kepoura. Advienne Kepoura. Ouais. T'en as-tu une, toi, Alex? Et malheureusement, moi, j'ai pas une heure de sommeil. Donc, je suis plus lent que mon collègue. Quand je google le chat sort du sac, origine, j'arrive sur le blog de Richard Martineau. Pas crédible. Un vieux matou castré. Bon. Mais je le trouve pas, mais je vais continuer à chercher, puis je vous dirai tantôt. Non, parce que le chat sorti sac habituellement dans notre esprit, c'est enfin le ce qui était évident dans le sac est sorti. Donc, parce qu'un chat, ça se cache toujours. Hein. Mettez un sac à terre, le chat se couche dedans. Mais c'est évident. Oui, voilà, on sait qu'il y a un chat là-dedans. Donc, quand il sort, c'est surprise. Ah, on est tombé à temps de notre chaise, boum. Mais cette semaine, c'est absolument ça qui est arrivé. Le chat est sorti du sac à la commission Charbonneau, la commission de l'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Hein? Vous le saviez tous, merci, 5 points pour le carnaval. Donc, le chat est sorti du sac parce que enfin, l'on délaisse la politique municipale. C'était un peu ronflant pour ceux qui ne vivent pas dans ces municipalités-là. Donc, Montréal, Laval, Mascouche et autres agglomérations dans la couronne nord, sud, est, ouest de Montréal. Maintenant, c'est rendu sur la scène provinciale. Enfin, nos chers politiciens qu'on aime tant détester ou qu'on déteste tellement amicalement, sur les réseaux sociaux surtout, hein, on aime bien se les blaster, ils ont été entachés. Enfin. Les trois principaux partis politiques au Québec, le PQ, le PLQ et l'ADQ, qui est maintenant fusionné avec la CAQ. Donc la CAQ se dit pas nous autres. Mais oui. On s'entend que quand tu fais un mariage, c'est quand même deux entités. Quand tu fais. C'est la moitié de ton entité. Ben voilà. Donc, ils ont été entachés de par le PDG de la firme d'ingénierie Genius, donc Michel Lalonde, qui était un témoin, un participant à la commission Charbonneau. Et puis lui, c'est tellement beau sa naïveté que j'aimerais ça être cave de même des fois. On serait plus heureux. Oui, parce que je vais vous lire un peu ce qu'il a dit, puis vous allez tomber en bas de votre chaise. Donc, vous autres aussi, le chat va sortir de votre sac. Donc, les partis politiques, donc Parti québécois, Parti libéral, entre autres, parce que c'est eux autres qui sont les plus big, ont fait valoir qu'ils n'incitent personne jamais à faire des contributions illégales à leur caisse de parti. On s'entend? Fais-moi une contribution illégale, je te le dirai pas. Ça se fait pas. Ils sont pas si niaiseux. Mais selon une compilation des contributions de M. Michel Lalonde et de ses proches, la firme Genius a versé au Parti québécois 117 000 $ 94 000 au Parti libéral et 29 000 à la défunte ADQ qui est maintenant fusionnée, comme on l'a dit, avec la CAQ. Genius a décroché, grâce à cette contribution-là, pas moins de 25,5 millions de dollars en subventions pour faire des travaux par le ministère du Transport du Québec entre 1998 et 2012. Donc, on voit que ça rapporte graisser la patte un peu. Des fois, je me demande ce que je fais à l'université. Non, on n'a pas compris. Hein. On parle d'éthique dans nos cours, on parle de respect. C'est pas de même qu'on. Ça a l'air qu'on avance. Donc, les contributions de Genius aux partis provinciaux n'avaient rien à voir avec l'expression des convictions politiques. Lui, il dit je donne au rouge, au jaune, au vert. C'est tout pareil, il me rapporte de l'argent, donc ce sont des affaires. Donc, il a dit c'était un contrat d'affaires que je faisais. Je te donne de l'argent, je te graisse la patte, tu m'en redonnes en retour, pas de problème. Donc, lui, il a dit qu'en bon développeur d'affaires, il devait aider les partis provinciaux. C'est un moyen de se rendre visible et d'espérer des contrats de la MTQ, donc du ministère des Transports. C'est comme une continuité de la démocratie provinciale. Donc, ça fait vivre la démocratie que de fourrer le monde. Ben, c'est logique, là. Qui ne voit pas ça, là? Hein? Qui ne voit pas ça? Il se couche heureux. Et voilà. Oui. Pense pas trop, casse pas ta tête. Il rajoute que c'est depuis Duplessis que c'est comme ça au niveau provincial. On a des projets, on contribue. Si Duplessis le faisait, on peut bien le faire. Ouais. C'est correct. Sauf que là, en tant que moi, historien, quand j'ai eu ça, Duplessis, non. Tachereau bien avant lui avec la fameuse SAQ. La SAQ a été nationalisée parce que Tachereau se graissait la patte avec la vente d'alcool illégale. C'était avec quel nom, c'est la commission des alcools? La commission des alcools. Ah ouais. Nos parents appellent ça encore demain. Encore? Ouais. Envoie comme ça des alcools. Oui, ils écoutaient Radio-Québec. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc, les dons ont été faits par des électeurs sous forme de chèques, donc rien d'illégal jusqu'à maintenant. Mais ce qui est en contradiction avec la loi, c'est que la firme rembourse les donateurs. Donc, si Jean-Philippe décide de donner 1 000$ au parti XYZ et que Sifu rembourse Jean-Philippe, Jean-Philippe n'a fait aucune contribution, c'est Sifu qui paye. Donc, exact. Donc, Sifu qui aimerait graisser la patte d'un politicien pour, je sais pas, moi, avoir une caméra live en tout temps du canal studio. Et voilà, donc, en ronde pendant qu'on est. Ça revient là-dessus. Ça. Donc, le Parti québécois hier s'est défendu, a dit que le Parti québécois n'a pas vraiment quelque chose à se reprocher, affirme son directeur général, Sylvain Tanguay. Le Parti québécois n'a pas sollicité de dons illégaux. C'est parti déjà avec un strike quand tu dis pas vraiment. Je t'ai pas vraiment tout à fait. Pas exactement. Je t'ai pas sollicité, mais c'est disons. C'est pas ce que tu penses. Ça fait genre sitcom, là, tu sais, quand tu fais un pogné en train de faire quelque chose. C'est pas ce que tu penses. Ouais. Et pour le Parti libéral, le directeur des coms, Michel Rochette, qui est sur Twitter, extrêmement prolifique, le gars, suivez-le, vous allez aimer le détester. Donc, c'est un génie de l'information en passant. Il a révélé la même chose dans les propos de Michel Lalonde. On n'était pas au courant. Hein? Ça, c'est la fameuse phrase creuse à dire. Le classique. Il n'était pas au courant que ça existait. Et rien dans les témoignages montre que le PLQ l'était aussi. Donc, il se contredit pas. Le PLQ, pour l'instant, patte blanche. Hey, la prochaine fois que vous ferez de la vitesse en voiture, là, vous allez vous faire cogner. Tu n'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Ça n'a pas regardé, là. Ah, ben... Désolé, monsieur. Je saurai pour la prochaine fois. Oui, c'était 50 km/h. Continuez. Faites attention, là. Le chef intérimaire Jean-Marc Fournier du Parti libéral du Québec s'est fait très laconique dans un très bref commentaire. Et là, la phrase que je vais vous citer résume très bien le titre de ma chronique, Logocratie. Je sais pas, Mathieu, si tu te souviens, il y a 2-3 ans, quand je t'expliquais ce qu'est la logocratie. Oui, je m'en souviens. T'sais, c'était c'est comme la langue de bois voilà. Pour essayer de manipuler les gens à penser quelque chose. Hein? C'est exactement ça. Donc, tu passes ton test aussi. Merci. 6 points pour le carnaval. Chaque jour, on a des révélations qui nous surprennent de plus en plus et je souhaite que le travail permette de donner la fin fond de l'histoire. Ça dit rien du tout. Puis c'est absolument rien. Ouais. Et tout le monde dit, ben, il a raison. Écoute, l'enquête continue. Ça, c'est la logocratie. En bon québécois, c'est la langue de bois. La langue de bois, les politiciens doivent apprendre ça. Et taper dans Google « langue de bois », il y a des générateurs de phrases en langue de bois. Oui, tu nous avais sorti quelques phrases. Oui, c'est génial. J'en ai une feuille chez moi que je mets dans des communiqués de presse une fois de temps en temps pour montrer que... On peut dire n'importe quoi, ça veut absolument à rien. Mmh. Je vous en sortirai une chronique à un moment donné. J'aimerais là-dessus ça. Encore. Oui, ça serait bon. Le PQ-PLQ signale également que M. Lalonde a reconnu qu'on lui promettait pas de contrat en échange de tous les dons. Donc, donne l'argent, puis on verra si t'en as. On a vu avec les chiffres tantôt que tu donnes 100 quelques mille piastres, t'en as 25 millions en retour. C'est un bon investissement. Ouais. Hein? On s'entend là-dessus. Ils entendent le Genius, la firme Genius, et M. Lalonde dit que dorénavant, maintenant qu'il sait que c'est illégal, puisqu'il ne savait pas avant, dit « Je vais aller voir le directeur général des élections, je vais m'excuser, puis je vais lui demander qu'il fasse enquête. S'il me trouve coupable, je vais rembourser. » On s'entend-tu? S'il me trouve coupable, je rembourse. On s'entend-tu qu'il ne remboursera pas 25 millions? Il va se faire taper ses mains, puis un petit voyage dans le sud. La CAQ, la chère oubliée CAQ, de son côté, François Legault a soutenu que l'ADQ n'a certainement pas donné de contrat en échange de dons. C'est sûr, pour le gouvernement, tu peux pas donner de contrat. C'est logique. Puisque le parti n'a jamais été au pouvoir, donc il reconnaît. À la suite de la fusion avec l'ADQ, ce que j'ai hérité, dit-il, c'est une dette de 500 000 $. Ça fait que je ne vois pas comment je pourrais rembourser. A-t-il dit avec un brin d'humour. Donc, c'est tellement logique. Là. Donc... Logocratie, quand tu nous tiens. Toujours dans le thème de l'humour, voici un très très bref commentaire qui en dit très long. Faut se remémorer la semaine dernière, en marge du débat des candidats à la succession de Jean Charest, on a appris que le PLQ comptait environ 45 000 membres. Là, je suis tombé en mode ma chaise, que dans ma tête, c'était 300 000 membres qu'il y avait, au moins. Mais bon, des fois, je suis rêveur. Soit deux fois moins que durant le règne de Robert Bourassa, qui a été quand même un grand premier ministre côté leadership. À son arrivée sur la scène provinciale en 98, Jean Charest avait converti en opération de recrutement la course avortée à la succession de Daniel Johnson. Un sous-point intéressant. Il voulait atteindre 200 000 membres. Donc, il voulait quand même être le plus big au Québec. Mais le monde demande pourquoi il n'y a pas tant de monde que ça. T'sais, Québec solidaire, c'est 10 000 membres. Option nationale, 8 000 membres. Parti québécois, il est à 150 000 membres. 90, tout dépendamment des saisons creuses. Donc, on sentait que le Parti libéral est dans la moyenne, mais... pour un parti qui était au pouvoir 9 ans, qui n'a pas pu avoir plus de monde que ça, il y a un des recruteurs du Parti libéral qui dit, et là je cite parce que c'est trop savoureux, « Quand on téléphone et on demande aux gens s'ils veulent être membres du PLQ, les gens comprennent qu'on leur propose de devenir amis avec Lino Zampito. » dit-il avec ironie. Quand c'est rendu que même les organisateurs font des jokes sur la mafia, c'est qu'il y a un problème dans la cabane à Québec. Donc, c'est ce qui me décourage un peu, mais en même temps, ça m'encourage à rire de plus en plus et à vous expliquer ce qu'est la politique, parce que la logocratie, on le dit, la crassie, c'est le pouvoir, la logo, c'est la manière de penser. Donc ça, on est capable de contourner ça, on va pouvoir reprendre le pouvoir qui nous revient de droit. Ça, c'est à mon éditorial en matière. Bravo. Boiteux, mais bon, non, au montage, je vais me réenregistrer. Une fois arrangé, là, ça va être vraiment beau. C'est tout, François Landry? Oui, c'est assez, là. Merci. Ça fait plaisir. T'es fin. Ben, okay. On te retrouve jeudi prochain. Oui. À 8h30. Toujours. Je fais le genre, peut-être. Ben, oui. Environ. Il y aura pas de carnaval la semaine prochaine, je vais dire. Le chat qui sort du sac. Oui. Finalement, là, j'ai trouvé une possible explication. On dit que. Ça viendrait d'une situation selon laquelle un acheteur souhaite se procurer non pas un chat, mais bien un cochon de lait. Le vendeur lui refile le chat errant fourré dans un sac. L'acheteur imprudent ne vérifie pas la marchandise qu'il souhaite acheter et le voilà victime d'avoir acheté un chat. C'est l'ancêtre. À un moment donné, le chat sort du sac, donc la vérité sort. Voilà. C'est l'ancêtre de la femme là, qui avait acheté un iPad pour 200$ dans un stationnement de garage, puis finalement, c'était un miroir avec une photo d'un iPad imprimé dessus. Genre, elle a payé 200$, puis elle va se plaindre aux nouvelles. Je me suis fait avoir. C'est l'ancêtre de ça, le chat, le cochon de lait. C'est un peu comme le lapin qui sort du chapeau. Oui, mais il était là depuis le début. Oh, oh, c'est pas la même, c'est pas la même c'est chose. C'est vrai, t'as exact. Ah ouais, c'est très bien repris. Merci. On mélange les affaires, ouais. Moi. Voilà pour Allocatie 101, c'est là-dessus qu'on termine ça. Voilà. C'est tout. Oui, c'est bien. Alors, on va terminer l'émission. Fait qu'à un moment donné, faut bien arrêter de parler de politique pour pouvoir parler de tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Oui. Donc, on remercie dans l'ordre Maxime Bilodeau. Ouais. Ouais. Jasmine Raymond-Drainville. Yeah. Alexandre. Marie-Michel Boudreau. François Landry. Oui, c'est à moi. Jean-Philippe Charbonneau. Ah, écoute, ça fait plaisir. Grosse gang à l'émission d'aujourd'hui, c'était le fun. Et Mathieu Plante. Mathieu Plante. Ne t'oublie pas. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi avec Simon Fitzbé et son éditorial Simon Humeur vous déplaît. On aura Véronique Mire du bureau de la Régie étudiante. Et on va parler d'art et spectacle avec Alexandra Carignan. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier. On va terminer là-dessus avec le carnaval aussi, j'imagine, ce midi. Et il y a la critique d'une bière de la Barrique. Donc, c'est ce midi. Moi, je vais de retour à 15h avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay pour une nouvelle édition des Palmarès, c'est fou. On va se passer de top 40 de la semaine en plus des instants classiques d'Assemblage requis et de la chronique qui arrive une fois de temps en temps, un ferron classique. Non, mais pour l'avoir vécu à live, là, ça n'est pas manqué. Là. Ce n'est à ne pas manquer, donc manquez-le. Ce n'est à ne pas le manquer, donc ça veut dire manquez-le. Je me trompe-tu, Jasmine? C'est elle, c'est quoi, ce n'est? Ce n'est qu'elle ne l'a pas manqué. Ce n'est c'est pas. Ça, c'est non. Juste pas. Ça se dit pas pendant tout. Écoute, on le réécoutera, OK? Je sais plus ce que j'ai dit. De toute façon, on est enregistré. C'est ça, on va demander les cassettes. C'est parfait. On demandera à la chaîne. Avec leur chanson thème, là. Canal, pour toi. Voilà. C'est là-dessus qu'on se quitte. Passez une belle fin de semaine. Là, c'est là que je montre le thème. On s'en va. Le canal est continué à enregistrer. Fait qu'on parle par-dessus, puis on fait des petites blagues qui sont pas en ondes. Puis là, c'est drôle. Puis là, Jasmine, elle fait comme... Puis là, Alex fait comme... Puis François fait comme... Hey, collègue. Jean-Philippe fait... Je pense qu'on a quelque chose pour le nouveau thème d'Assemblage requis. Oui, avec des effets sonores en arrière de gens qui se lèvent. Là, ça a jamais été fait pour une émission du matin, ça? Du monde qui se lève, qui font leur toast. Puis... Non? Hein? Ah, non, vas-y. Une quoi? Je pensais que tu voulais qu'on fasse la vague comme chanson thème. On peut faire la vague comme chanson thème à la radio. Allez, vas-y, attention, 1, 2, 3. Moi, j'ai fait le son. Une chance, parce que ça n'aurait pas paru qu'il y avait une vague. C'est ça. Je te mets dans mon rôle. Tu sais, d'habitude, on se fait avec une chanson. Oh. Pour finir le gag, on va parler par-dessus. OK, parfait. Parce que sinon, on parlait par-dessus la chanson thème, ça faisait comme si c'était vraiment la fin de l'émission. Le concept s'est perdu en cours de route. Le concept de l'émission, à un moment donné, on a comme oublié ce qu'on faisait, puis on faisait un petit peu n'importe quoi. Mais je pense que c'était bon pareil. Hein? Ouais, je pense que oui. Avec ça, beaucoup de monde comme ça, ça donne un party. Ouais. On va le savoir dans le stationnement. Parce que les pneus qui ont été crevés dans une blague antérieure. De... Ils ont pas entendu, on était hors d'onde. Ben, on est encore hors d'onde, on n'est pas en onde là. C'est ça. Là, je suis mêlé. Jasmine, elle me regarde, puis elle est comme, what? Qu'est-ce qui se passe ici? Il va falloir t'écouter l'émission depuis le début. Je pense que c'est un gag qui est à long haleine. Oui. À long développement, là. Long développement. OK. En fait, on a fait la prémisse hier. Non, c'est pas vrai, j'ai été aussi surpris que Mathieu d'avoir ça à faire aujourd'hui. Ben c'est ça, parce que en plus, t'avais dormi une heure dans la journée. Oui. Dans la nuit. Oui. Ouais, ben Alex a dormi d'ailleurs, ça 0 heure. C'est ça. Ça nous inspire la chanson Et si je dors dans la nuit, tu verras que du feu. Je ferai ce que je peux. Ah, la version alternative, le B-side. Oui, c'est la chanson. ouais. Bon. En fin de semaine, qu'est-ce que. Gros plan, en fait, non. Non, ben parfait. Toi? Bah, c'est Trois-Rivières extrêmes, à 50 ans. Trois-Rivières extrêmes, hein? C'est quoi ça? On a déjà parlé en ondes. Du canot dans la glace, là, pis tout. Exactement. Du canot dans la glace. Ça va être dans l'eau, ça continue même, là. Ouais. En tout cas, des canons dans le reste. Il encore pas mal de glace. Okay. C'est sûr qu'avec les slotchies, c'est plus difficile pour eux autres parce qu'ils peuvent pas se pousser avec les pieds et ramer. Ben, ça demande du bras dans slotch, mais ça va être toute une compétition. Ah, ça pourrait être le titre de l'émission. Si ça avait été en ondes, ça aurait pu être le titre de l'émission, du bras dans slotch. Du bras dans slotch. C'est pas en ondes. Ah ouais, on peut pas retourner. On peut pas retourner en arrière. On a fait la fin. Can go back on that, un autre joke de bacon comme tantôt. Oh! Tu sais, pour ceux qui sont restés tout le long de l'émission, là, ils peuvent rire. Là. Oui, oui. Parce que c'est drôle, ça, là. Non? OK. moi je l'assume. Moi je la caisse. J'étais l'autre bord de la porte. Faut rassurer quand même Canal E qui enregistre tout ça et qui veulent avoir l'or qu'il y a derrière nos présentations en bacon. Studio, le bacon. Le gras du bacon. Oui, ils veulent le bacon et le gras du bacon. Comme le beurre et l'argent du beurre. Une autre chronique pour chercher une définition de beurre et l'argent du beurre. Une autre fois, peut-être. Uh-huh. C'est bon. ils veulent le gras et le bacon, mais ils ne s'attendaient pas à avoir autant d'impertinences. Ils ne savaient pas quand ça allait finir, parce que là, à date, l'émission ne finit pas. Non, c'est ça. C'est ça. Si ça t'intéresse, peut-être qu'une fois, on pourrait dire « Hey, on fait ça jusqu'à ce que Danny Janvier rentre oui. en onde. » On joue les tunes en arrière, sans cesse, jusqu'à 11h, c'est une bonne idée. Ouais. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est un concept le fun intéressant à faire. Ça veut pas dire qu'on va le refaire, genre jamais, parce que c'est l'idée de faire une émission spéciale, hein, c'est ça? Mais ça faisait partie de ta chronique, Janvier P, que t'as oublié de Janvier dire. P, j'ai oublié de mentionner le mot Janvier P en onde. Caroline, mais allez voir le calendrier sur assemblagerequis.com. Il y a tout le calendrier de ce qu'on a fait pendant le mois de janvier, puis il y a à peu près 15 jours dans le mois de janvier où on était en ondes, du lundi au jeudi. Et toutes les nouveautés sont listées là-dessus en ordre si vous voulez aller réécouter les émissions. Puis là, évidemment, on parle entre nous autres. Là, évidemment, on parle entre nous autres. Si vous voulez aller voir, vous, là, dans l'équipe, si vous voulez aller voir, ça va être sur assemblagerequis.com. Puis c'est ça. Hey, bonne fin de semaine, salut. Salut. Ah, moi, j'aurais continué. Au revoir, tout le monde. Continuez.